cabo, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Allez, bonne soirée, le son de Shakira à l'instant. Welcome tout le monde, il est tout pile 21h. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Librantel sur Radio Mixlore. Allez, soyez bienvenus tout le monde, c'est parti en direct hein, jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne comme tous les soirs. Merci en tout cas d'être avec nous, là, de passer la soirée avec nous. Ce soir, une grosse émission comme d'hab, hein, comme chaque soir. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à nous écouter. 21h, 23h du lundi au jeudi, Alex Libre Antenne avec toute l'équipe, à chaque jour on change. Ce soir, il y a Ben qui est avec nous, bonsoir Ben. Yes. Ça va Ben? Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Allez, Quentin, il a pris la place de Hal. Et il y a Quentin qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Voilà, petit comité, mais le petit comité font les bonnes fourmis. Ça ne veut rien dire, mais bon, j'ai envie de dire ça. Bon, en tout cas, soyez bien. En mangeant de la fontaine. Voilà, bon, alors. Grosse émission en tout cas ce soir, évidemment. On aura Info Attox, on aura le jeu des 5 mots. Tiens, Quentin va s'y coller au jeu des 5 mots ce soir. Oh non. Je pense que ça va être chaud ça. Question du soir, est-ce que vous êtes pour ou contre fumer dans les lieux publics? Ça sera notre fil rouge de l'émission. Il y aura le top ou flop. On aura évidemment des infos insolites aussi de la part de Ben ce soir. Pas d'infos jeux vidéo, mais des infos insolites, c'est ça. Ouais. Hein. On aura également le retour en ce mercredi, parce que c'est tous les mercredis maintenant, le retour du pervers là. Ah ouais. Ah, attends, si je le mets mal, c'est pas fort. Ça sera tout à l'heure, évidemment. Faut que je vienne te mettre des gueules dans la chatte, là. Ah, ouais, donc ça sera tout à l'heure. Ouais. Pour que tout commence à durcir. J'adore sa voix, ce père. J'adore cette voix, ce père. Il y a l'autre qui est en train de se. Ouais. Hein, l'autre qui se branle. Ouais. Bah, il est dedans, là. Dans... Qui? Je suis en train de me branler, là. Ah. J'ai commencé à me branler, ouais. Ah, ouais, c'est ça. Bah, ça sera tout à l'heure, en tout cas, vers 22h, le retour des pervers. Puis on parlera aussi de plein d'infos. On parlera notamment le retour des clowns, hein, qui est en force. On n'arrête pas d'en parler sur ça, les réseaux ouais. sociaux. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. On parlera également du clash aussi de Seriona, Gilles Verdez, qui clash l'émission de Bertrand Chamorro. On en parlera tout à l'heure. Évidemment, bonne émission là qui se programme ce soir, 21h02 en direct. On aura également du gros son. On aura le tout nouveau David Guetta, on l'adore ici. Hey, j'adore ce son. Il y a le DJ français David Guetta. Dans quelques instants, Niska également. À la maison, Joe. Maître Gims. À la maison, Joe. C'est un disque à Maître Gims. Ouais. Maître Bouillard. T'as remarqué, ils ont toujours des drôles de noms, tu sais, dans les jeux télé là, tu sais, maintenant on fait venir Maître Bouillard là pour remettre bah, l'enveloppe. Les huissiers, ouais. Voilà, pour, c'est ça, l'huissier Bouillard. Je sais pas, ils avaient toujours des drôles de noms dans les boîtes là, tu sais. Le, bah, le il y en avait qui s'appelait Verdez, je crois. Ah ouais, ouais. Ils avaient toujours, des noms un peu bizarres là, tu sais. Surtout genre, dans les boîtes là, qui faisaient sur téléphone avec Arthur là, et tout de suite huissier là, tu sais, quand ils appelaient que le téléphone. Moi, ce qu'ils faisaient là, c'était quand le banquier y appelait. Ouais, le banquier. Chacal. Chacal. On aura Black Eve également. Le son préféré de Quentin, hein. Cachemire. Allez, bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous comme chaque soir. Bon courage à tous ceux qui partent travailler, on pense très fort à vous évidemment. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. On est là, bon courage également à tous les routiers. J'ai encore un message cet après-midi, il y a une communauté de routiers là dans le nord de la France qui nous écoute. Mais en tout cas, merci à eux, ça fait vachement plaisir. Voilà, en tout cas, on est là ensemble jusqu'à 23h. Bon début de soirée avec nous, Alex Libre Antenne. On est là et on démarque la bombe de Niska à la maison de Joe. Welcome. Elle voulait juste les papiers, tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Et tu lui as tout donné, tu payais même le loyer, elle avait son Joe. Elle voulait juste les papiers, tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Elle a quitté le foyer, tu l'as cherché, mais elle J'adore ce son. La dernière bombe de Niska à l'instant. À la vaisson Joe avec Maître Gimis. On est ensemble là jusqu'à 23h. Soyez les bienvenus tout le monde. Et ouais. Jusqu'à 23h. Alex Librantenne sur la Dance Floor. Allez, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On est ensemble là jusqu'à 23h, on lâche rien. C'est mercredi soir évidemment. N'oublie pas demain la dernière de la semaine, en tout cas un gros bordel en prévision, sachez-le. On n'oublie pas, puis vendredi ça sera Plate Mix évidemment avec tous les DJ résidents vendredi samedi soir. On n'oublie pas d'ailleurs, petite annonce, samedi 15 octobre, c'est-à-dire pas samedi là mais samedi prochain, soirée Rad Mix Floor à l'Inox Club, évidemment avec des cadeaux en plus Rad Mix Floor, donc ça va être plutôt la classe à Dallas. Donc ça se passe du côté de Gravelines. On aura des entrées à vous offrir tout au long de la semaine prochaine pour cette grosse soirée Inox Club. Ça démarre dès vendredi, je vous offre des places dans le Plate Mix. Je vous offrirai des entrées gratos pour cette soirée Inox Club Rad Mix Floor. Ça se passe sur Gravelines. Plus d'infos évidemment sur la page Facebook Rad Mix Floor ou directement sur la page Facebook Inox Club. Mais avant ça, on fait info au Atox avec notre ami Quentin. On t'écoute, Quentin, évidemment. Si je n'aime pas son micro, ça va pas aller. Ouais, info Atox, c'est parti. Info ou Atox? Il doit atterrir la question, mes petits amis. Bah oui, voilà. Alors, première info Atox, vous savez qu'il y a eu un nouveau prix Nobel de chimie aujourd'hui? Ah non, je n'étais pas au courant. Bah, c'est un Français. Ah, Jean-Pierre Sauvage. Ah bah oui, tout le monde le connaît. Donc question qui ramène justement ce prix Nobel. Ouais. Alors Jean-Pierre Sauvage, le nouveau prix Nobel de la paix. Jean-Pierre Sauvage, écoutez, vraiment il est prêt. C'est Jean-Pierre. Ouais, non, non, non, c'est Jean-Pierre là. C'est Jean-Pierre, ouais. C'est Jean-Pierre Sauvage, là j'ai une biche au-dessus de la cheminée là. T'as fait baiser? J'ai une biche au-dessus de la cheminée là, je l'ai cherché en 40 là. Hein. Putain, ça va pas là. J'ai une peau de bête aussi, c'était un ours. Ouais, tu sais, je vois bien. Jean-Pierre Sauvage, c'est ce genre de mec qui habite à la campagne avec une peau. Chasseur. Qui a une peau de bête auprès de sa cheminée qui fume sa pipe tous les soirs. À 20h30, avec le bois qui craque dans la cheminée. Ouais, c'est ça. Crac, assis, crac. Qui fait ça, c'est un peu comme au Far West. Ah, chérie, il a fait cuire le couscous, toi, ta gueule, là, mémé, là. J'ai un peu ça, ouais. Alors voilà, Jean-Pierre Sauvage, le nouveau prix Nobel de la paix. Jean-Pierre. De la paix. Le nouveau prix Nobel de chimie est le 9e français à l'avoir obtenu. Info ou intox? Ouais, les français sont pas si cons que ça, j'ai info. Mais il y aura intox. Et pourquoi? Bah parce que les français sont cons. Oh, voilà, ils sont cons. Bon, bah, monsieur Jean-Pierre Sauvage, si vous nous écoutez. Inch'Allah. Donc, info pour toi et Atox pour Ben, c'est ça? Ouais. Eh bien, c'est Alex qui a raison. Ouais, comme par hasard. Donc, c'est bien le 9e français à l'avoir obtenu. Et l'a obtenu aujourd'hui en plus. À savoir que le premier prix Nobel de la chimie avait été desservi à Henri Moissan. En 1906. C'est des prénoms de merde, quoi. Ah, bah écoute, c'était en 1906, donc forcément, c'est des noms de merde. Il y a eu également Marie Curie, que vous connaissez tous, c'est en 1911. Ils font la sauce au curry. Voilà. Il y a eu Victor Grignard et Paul Sabatier en 1912. Il y a eu Frédéric et Irène Joliot-Curie, donc forcément peut-être de la même famille que Marie et Pierre. Ah, le piston. En 1900, le piston, ouais. En 1935, c'était eux. Il y a eu Jean-Marie Laine en 1987 et Yves Chauvin en 2005. Et aujourd'hui, il y a Jean-Pierre Sauvage. Jean-Pierre Sauvage. Vous êtes sur la messagerie d'Yves Chauvin. En plus, Yves Chauvin, je vois bien un mec chauvin. En plus, je sais pas je pourquoi. Je suis dans mon laboratoire. Okay, c'est Chauvin, là. Salut, c'est... allô, Frédéric Chauvin, là. Ouais, c'est moi, là. On va parler le miracle. Ouais, t'as demandé à Yves Chauvin s'il venait. Donc voilà, premier. Okay. Donc c'est Alex qui remporte déjà la première question. Seconde question. Mars est le dieu de l'amour et de la puissance créatrice. Ah, moi j'ai un tox. Un tox C'est pas ça, non, c'est pas. Moi j'ai pas ça, c'est pas ce nom-là. Non, Ben. Ah, moi, c'est pas ça. Je dirais un tox. Un tox. Bon, bah vous avez tous les deux raison. En effet. Ben, t'es intelligent. Il s'agit du dieu Eros. Alors, moi je croyais que dieu Eros c'était Joel. Moi je croyais que celui de l'amour c'était Joel. Voilà. Voilà, depuis qu'il a fait sa musique pour mon bijou, je crois que c'était le dieu de l'amour. Je veux un bisou. Jean-Pierre Sauvage. Il s'agit du dieu Eros qui donna son nom au érotisme. Ah. Au mot érotisme. Donc il a vécu. Tous les dimanches soirs sur TMC. À 22h30. Après le film. Non, c'est le vendredi ça. Non, mais le dimanche aussi. Après minuit. Ah, le dimanche, je le faisais aussi. Hein. Ah, je sais pas, je regarde pas. Me taper des culs à l'époque sur ça. Ah ouais, bon, c'est bon, on est dans la même catégorie. Non, mais j'ai jamais aimé les films érotiques parce que ça va au ralenti et tout, on voit rien. On voit même pas les parties intimes. Non, on voit juste la tocha de la meuf en fait. On voit juste, c'est ça, puis les poils. Ouais. Plus dans les films érotiques, on a toujours des poils, les moules gros, laisse tomber gros. C'est à peine s'ils se voient déjà entre eux, tu vois. Ouais, on voit pas la bite du mec comme les films de cul chinois. Ben. Ah ouais, c'est vrai que. Un film de cul chinois, gros, ils filment pas leur bite. C'est flouté. Ouais, c'est flouté, ils sont publics en Chine. Bon, écoute, ah ouais. En même temps, c'est parce que peut-être qu'ils en ont des petites. Alors des petits gags. Voilà. Voilà, c'est en fait, aux amis chinois qui nous écoutent. Il s'agit du dieu Eros qui donna son nom au mot érotisme. Donc il a vécu, comme vous le savez, dans l'antiquité et la mythologie grecque. Ah bah il y a Jackie Chan qui commente là en direct. Il commence à me branler, ouais. Ah bah, t'es d'accord avec ça alors. J'ai pris ma pince. Et troisième et dernière info, Intox, le football. Alors ça peut intéresser Ben. Ah. Le football a été inventé en 1863, info ou Intox? En 1863? Ouais. Intox. Moi je dirais Intox parce que c'est bien avant, je pense. Attends. Alors attends. Ouais, vas-y. Retourne en arrière. Continue de répondre. Non, ouais, c'est en 63. Ouais, 1863. Pas 1900. Hein 1863. Ouais, non, info. Ouais. Info, Ben. Intox. Bah, c'est une nouvelle fois Alex qui a raison. C'est info, donc ça a été inventé en 1863. Ouais, écoute, tu doutes des qualités de Quentin. Dis que c'est pas possible. Et en plus, j'ai été chercher ça sur le site de la FIFA. Il y a des clubs qui ont été créés avant 1863. Ils faisaient pas du foot. Il y a PSG, c'est 1863. Ils avaient la buvette. PSG, c'est quand? 1970. Quentin, il est même pas sur sa roue. Ouais, donc c'est bon, c'est bien avant. Donc c'est 1863. Et t'avais en partie raison dans ce que t'as dit parce que il y a eu des traces du football. Qui existait déjà au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, en Chine. Ah ouais. Et c'est les scientifiques qui ont réussi à retrouver ça. Ah bah ouais, et donc, donc ça a été créé en 1863. Ça n'a pas été créé en 1863, ça a été créé avant alors. Non, il y a eu des traces. Mais la structure de jeu. C'était pas confirmé. Voilà, c'était pas confirmé. Alors, du foot, ils jouaient avec des têtes. C'était à l'époque au Moyen-Âge, ils jouaient avec les têtes pendues sur la place publique, ils jetaient dessus. Ils faisaient les buts, ils faisaient les poteaux avec les pendus. Ah voilà, exactement. Mais c'était pas confirmé, c'était pas encore officiel et approuvé par la FIFA. Quoi. Et donc le nom de la première instance dirigeante du football, c'était appelé Football Association. Ah bah voilà. C'était en Angleterre. Ah bah merci en tout cas, la fois. Voilà. Pour ce soir, en tout cas, avec Quentin évidemment qui se fera passer tout à l'heure pour Fanny à 22h. Oui, comme d'habitude. Hein. Tu vas chauffer le petit Eric là. Oui. Ah, c'est ma grosse pite. J'espère qu'il sera chaud. On appellera en direct, ça sera tout à l'heure vers 22h. On aura également les infos insolites avec Ben, on aura le top ou flop également. Si vous voulez passer l'antenne avec nous ce soir, vous envoyez un petit message sur la page Facebook Radio Mixfloor. On vous passe évidemment dans quelques instants. On parlera du sujet. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Attention, c'est un sujet très tabou en tout cas parce qu'il y a beaucoup de réactions sur le Facebook. Si vous êtes pour ou contre, fumer dans les lieux publics. Hein, voilà, évidemment, cette loi date il y a un moment, mais on souhaite en reparler évidemment ce soir. Si vous êtes pour ou contre en tout cas, parce qu'ils en parlent beaucoup en ce moment, s'ils souhaitent. Faites le remettre. Donc, qu'est-ce qui a fait cette loi? Jean-Pierre Madère. Je sais pas. C'est qui chante pas Kumba en plus. Non, c'est Claude Évin. Hein?

Allez, merci de passer la soirée avec nous. La dernière bombe de Calvin Harris à l'instant, My Way, 21h20. On est ensemble jusqu'à 23h, bougez pas. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. On sera la dernière bombe de Black M dans quelques instants. Eh, j'adore. Je suis fan. J'ai vu son clip en plus tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, évidemment. Black M, Askip, c'est son nouveau titre. On le fera découvrir, évidemment, tout à l'heure. En direct, soir en mixeur. Bon, on va à la libre antenne jusqu'à 23h. On est là. Si vous voulez passer en antenne, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur la page Facebook Radio Mixeur. On vous rappelle gratuitement. Il y a Ben qui est avec nous ce soir. Yes. Et il y a Quentin qui est avec nous également. Le sujet du soir, comme chaque soir, le fil rouge de l'émission, est-ce que vous êtes pour ou contre fumer dans les lieux publics? Alors, ça va être un débat parce que je ne suis pas fumeur et j'ai face à moi deux fumeurs. Donc, exactement. Donc voilà, le débat sera là ce soir. Bon, on va commencer, tiens, par Quentin. Est-ce que tu es pour ou contre fumer dans les lieux publics? Moi, je suis contre. Alors, pourquoi? Parce que souvent, dans les lieux publics, t'as des enfants qui sont pas forcément fumeurs et ça peut les intoxiquer. En même temps, un enfant qui fume... Ouais, bah bon, tu sais maintenant... Ouais. Avec les âges genre 12 ans. Ouais. Et bah, ça peut faire chier. Voilà. Moi je suis en train de parler à Ben, soir le standardiste qui s'occupe du standard. Standard, ouais. Voilà, là je tombe sur un message de Frédéric Sauvage, donc je me demandais quoi. C'est, quoi. Ah, c'est Jean-Pierre quand même. Ah, c'est Jean-Pierre Sauvage. Donc toi t'es complètement contre par rapport à ça. Bon, après c'est vrai que ça fait chier parce que bon, bah des fois t'es dans un hall d'entrée, t'as pas le droit de fumer alors que t'es en train d'attendre. Enfin, c'est des trucs chiants, tu vois. T'es obligé de sortir pour aller fumer ta clope, quoi. Mais je suis contre quand même. Parce qu'il y a souvent des enfants, genre chez le médecin, enfin bon, tu vas pas fumer chez le médecin non plus, mais pour des rendez-vous, des trucs comme ça, t'es obligé de sortir ouais. Fumer sur place. Quoi. Même dans les cafés, c'est bon, voilà, t'as eu la belle... Bah quoi que dans les cafés, ça pourrait être autorisé quand même. Ouais, ça pourrait être autorisé, ouais. Avec les fenêtres grand ouvert, et puis il y avait aussi à l'époque les ventilos de plafond là qui tournaient tout le temps. Ça après c'était pas gênant non plus. Ouais, après ouais, c'est comme ça. Bon, après ça a changé, qu'est-ce que je te dise, mais bon. Donc en tout cas voilà, c'est le sujet. En tout cas, si vous souhaitez réagir, beaucoup de réactions là, on fera un petit tour notamment sur le Facebook l'émission là tout à l'heure. Si vous êtes pour ou contre fumer dans les lieux publics, c'est notre débat là ce soir en direct là, sur, jusqu'à 23h. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler côté standard. On a qui au standard, Ben, qui est standardiste ce soir? On a qui au standard? Clara. Allô Clara. Allô. Ouais, bonsoir Clara. Bon, Clara, t'as une belle voix, hein. Tu fais du téléphone rose le soir. Bon, c'est bon. Tu fais du téléphone rose ou c'est moi? Oui, c'est Jean-Pierre. De quoi? T'as pas une voix à faire du téléphone rose? Ah, mais non. Parce que Eric, lui, il aime beaucoup ça, moi. J'ai commencé à me branler, ouais. Parce que Eric, attention, il faut faire attention parce que Eric, quand il s'y met, lui. T'as mis sur Bizzy. Non, calme-toi. Non, ça, c'était Bruno, ça. Ah, c'était Bruno. C'était Bruno, ouais. Bon, t'as quel âge et tu viens d'où, Clara? Bah, j'ai 16 ans et je viens de Calais. Et bah, enchanté là, ouais, 16 ans. Allez. C'est un peu jeune, ouais. Bon, ce soir, tu nous appelles pourquoi? Sûrement pour le. Ben me dit là, pour le sujet, est-ce que c'est vous êtes pour ou contre fumer dans les lieux publics? Est-ce que toi, tu es pour ou est-ce que tu es contre? C'est déjà, est-ce que tu fumes? Bah, ouais, je pense. Non. Ah, tu fumes pas? Non. Alors, est-ce que. Bah, du coup, est-ce que t'es. Non, mais est-ce que t'es pour ou contre fumer? Bah, c'est bien déjà de pas fumer à 16 ans. C'est, en tout cas, c'est bah, d'un côté, je suis pour, d'un côté, je suis contre. Digne de tout. Fais-nous rêver, Clara. Clara. Ah, t'écoutes. Allez, vas-y, dis-nous tout, Clara. Ben, je suis pour parce que si on fume pas dans les lieux publics, où est-ce qu'on peut fumer? Parce que dans les lieux privés, on peut pas. Bah, dehors. Donc. Bah, dehors. Ouais, mais dehors, c'est un lieu public. Bah oui. Ouais. Donc bah, si non, on pouvait pas. Voilà. Ouais, là, tu sais, c'est lancé complètement la musique. Et contre, parce qu'il y a des enfants. Ah ouais, d'accord. Ouais, pour, ok. Contre. Bah oui, ça après, c'est vrai, comme Quentin disait, c'est beaucoup pour les enfants aussi. Donc, ouais, peut-être que dehors, c'est un lieu public, ok, mais c'est aéré, quoi. C'est ouais, pas, c'est en aéré. En fait, lieu public pour la loi, c'est les lieux enfermés, je crois. Bah, genre Carrefour ou des trucs comme ça. Ouais, bah, tu vas pas fumer dans Carrefour non plus. Avant, tu pouvais fumer. Ou alors, en faisant ses courses, je fume un bon cigare. Et je fume une trompette. Ou alors, chérie, achète des trucs pour que je fume une cigarette. Donc en tout cas beaucoup de réactions là sur le Facebook par rapport à ça. Si vous êtes pour ou contre, en tout cas fumer dans les lieux publics. On a contre de l'ENAL, on a contre des Kevin là qui me dit qu'il faut penser à ceux qui ne fument pas et aussi ceux qui sont malades. C'est vraiment très important, ouais, aussi à ceux qui sont malades. Elodie également contre, car on affligerait notre fumée aux enfants, bébés, gens malades. Voilà. Dire, ouais. Johanna pour, mais dans les espaces réservés. Pourquoi pas, ouais. Contre pour nous les non-fumeurs, c'est pas grave, et surtout pour les bébés. Contre, on dit contre, pensez à ceux qui ne fument pas et qui sont intoxiqués par l'odeur de la cigarette. Alors, un peu comme moi, parce que je vais pas vous cacher, je vais pas vous donner ma version, mais en tout cas, moi je déteste l'odeur de cigarette. Qu'est-ce que tu viens foutre dans la salle de pause? Hein? Qu'est-ce que tu viens foutre dans la salle de pause? Bah, parce que je fais ce que je veux, putain, je regarde la salle de pause. Non, mais c'est pas que je. Non, mais voilà, mais je vais arriver dans une. J'ai déjà fait une soirée où les gens fumaient tous. Et revalant une soirée où c'est un brouillard de fumée, gros, c'est horrible. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont aménagé des fumoirs dans les boîtes alors. Mais on parle de boîte, tu vas au club là où on bosse, là, t'as le fumoir, gros, t'arrives quand ça fume. Ah oui, gros, c'est insupportable. Bah, faut dire aussi que les fumoirs dans les discothèques, c'est insupportable. J'ai déjà été plein de fois. Mais étant fumeur, moi je supporte pas non plus. Hein. Bah oui, mais c'est insupportable. Bah, l'odeur. Tu prends le fumoir du club, toi, et tu fais un pote, t'arrives au bout. Ah, c'est bon. Le truc, tu peux même pas faire un tour dedans. Non, mais bon, voilà, en tout cas, voilà. Bon, on t'entend quand tu parles. Là, t'as discute. Oh, chérie, tu peux me faire un couscous? Ouais, pas de problème. Jean-Pierre Sauvage, ouais, bah viens, voilà, Pierrot. Non, mais. Et du coup. C'est le bordel là. On voit que c'est Ben qui s'occupe de ramener les auditeurs. Oh, c'est une pantin, moi. Tu rôles là. Bon, et t'es qui pour Ben en fait, Clara? Sa copine. Je suis sur pas de cul. Non, je suis une pote. Ouais, enfin ouais, une pote. Une pote que Ben a voulu mettre sa main sur Franck. Non, non, je plaisante. Non, je plaisante, je rigole évidemment. Ah, c'est une pote à Ben. Comment on peut être pote avec Ben? Ça, c'est la question du soir. Ce sera un sujet d'ailleurs. Bah, je sais pas. Oh là, il faut passer dans mon lit avant. Viens découvrir le petit ostico. Oh là, viens montrer mon petit cigare. Attends, ça se passe comme ça. Non, je plaisante. Mais donc, d'accord. Donc, et par contre, t'as une copine qui est venue derrière? Bah, alors oui. Ouais, bah peut-être qu'elle peut venir parler avec nous, discuter avec nous en direct là. On profite sans tel lit ce soir, on se dit à la vas-y, on prend les gens au standard, on a payé le forfait pour le standard illimité, donc on appelle tout le monde. On appellera Nicolas Sarkozy aussi dans quelques instants, on appellera François Hollande, on appellera McDo Quick, on appellera tout le monde ce soir. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc ta copine ça s'appelle comment? Et à quel âge? Moi je m'appelle Mado, j'ai 14 ans. Ah, d'accord. On voit que c'est Ben qui ramène les gens. Hein. Quand je demande aux standardistes de ramener les gens, ils me ramènent des gens de 30 ans, mais là, Ben, 13-14 ans. Ouais. Attends, je plaisante. Ok, et donc, est-ce que toi, bah, justement, je te pose la question, est-ce que tu es pour ou contre fumer dans les lieux publics? Et déjà, est-ce que tu fumes? C'est la question. Bah oui, je fume, alors du coup, bah. Fume à 14 ans. Elle est belle, la jeunesse. Et après, c'est vrai que. C'est pas très, très bien hein, pour les enfants, tout ça, voilà. Hey, t'es pas d'ici, toi hein? T'as l'accent du sud, j'ai l'impression, non? L'accent de mes couilles. De quoi? T'as l'accent du sud. T'as l'accent du sud? Bah bien sûr. Bah non, je viens du nord. Ok. Nord en plus. Bon, ouais. Ma dédicace, ma personne en tout cas, d'être à vous. Dédicace avant de quitter les filles. Oui. Ce sera pas dans 3 heures, ça m'arrangerait en fait. Mais dédicace pour moi. Dédicace pour Ben. Vivement que je vois ton caleçon. Bon, allez, vas-y. Bah, allez vite, bordel. Une dédicace ou pas? Ben oui. Allez, bah, on t'écoute. Dédicace à tous mes potos de la street. Ouais, là, ok, d'accord. Okay. Non, mais bon. Plus sérieusement, les filles, s'il vous plaît. C'est ça le problème avec des jeunes enfants, des jeunes de 14-16 ans. C'est. Comme mon père, il dit, c'est encore du lait au bout de son nez. Ouais, c'est ça. Voilà. Le sel n'est pas encore formé. Allez, le cul est encore bien rondelé. Allez, vas-y, on t'écoute pour la dédicace. Oh non. Ben, dédicace à mon frère et à ma sœur. Ah bah dédicace à eux alors. Et à tous les gens de l'internat. Ah bah dédicace à l'internat. Ah t'as l'internat là? Bah oui. À chaque fois que je vois l'internat, moi ça me fait penser dans les rubriques sexe, sur les sites porno là. Tu sais, campus, les machins, les trucs, l'université. Parce que c'est vrai que t'as un gars dans les sites de cul, les universités, tout le monde baisse entre eux, mais jamais en France. Orgie d'entrée étudiant. Ouais, mais c'est pas trop ça ici. C'est ça. Patricia se fait baiser dans le couloir de l'université pendant que son pion le cherchait. C'est tous les scénarios. Ouais, ça. Voilà. Non, mais je plaisante. Hein, ou alors se fait baiser par son pion. Ouais, non, c'est ça. Non, mais je plaisante, l'université, c'est pas comme ça. Bon, bah, en tout cas, bon, c'est une très bonne soirée, les filles. Merci à vous d'être passé. Ouais, bonne soirée. À bientôt. Ciao. Salut. On est en direct, évidemment, là, jusqu'à 23h. On va crois que c'est Ben qui s'occupe de ramener les gens. Ramène la garderie, lui, il va chercher directement. Moi je dis la prochaine, c'est 17 ans. Okay. Par chance, il va devoir ramener quelqu'un. Je suis en CM2. J'apprends l'histoire, c'est Napoléon. Non, mais voilà. Donc, en tout cas, restez avec nous là jusqu'à 23h. Est-ce que vous êtes pour ou contre évidemment cette débat de ce soir? Beaucoup de réactions là par rapport à ça, notamment sur le Facebook. On se parle dans quelques instants également. Il faudra faire un petit prono là. L'équipe de France, ils jouent après-demain contre qui déjà? Je sais pas, la Bulgarie, non? Ah, c'est ça, ça. La Bulgarie. Wow. C'est ça, dans deux. Ouais, ils jouent là, dans deux jours, là, ouais. Match amical. Là. C'est au Stade de France? Ouais, non, c'est pas match amical. Non, c'est pour la Coupe du Monde. Ah, c'est les qualifications? Ouais, c'est les qualifications. Ah, ça rigole plus. Hein. C'est l'année prochaine. Vous direz combien un prono là? Tu fais comme ça l'arrache. Bah, vu comment c'est parti, je pense que la France elle va gagner. Ouais, je pense que la France elle va gagner. Attends, c'est la Bulgarie? Attends, la Bulgarie, c'est pas non. Bah, je crois que c'est la Bulgarie, je suis pas sûr. Attends, je vais vérifier. Source sûre. Mais si la Bulgarie, un petit 2 ou 3-0 pour la France. Ouais, 3-1. Hein, bon, ça va venir quand même pour la Bulgarie. Quoi. Bah écoute, il y a un joueur lyonnais qui va être titulaire. Oh, donc, qui? Qui ça? Nabil Fekir. Bonne Fekir. Moi je m'en fous de Bonne Fekir. Oh là, ok. Ah, mais il y a l'équipe de France, lui. Ouais, il a été sélectionné là. Il est content. Puis il y a eu un petit jeune aussi à nouveau, je crois, non? Je sais pas où j'ai entendu ça, mais. Je suis pas trop le foot. J'ai l'impression qu'il y avait un petit jeune aussi de 18-19 ans, non? Dembélé peut-être. Je sais pas du tout. Bulgarie, ouais, c'est ça, 20h45, ouais. Il y aura France-Bulgarie, moi j'arrête demain, ouais. C'est vendredi soir, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Luxembourg-Suède, on aura également Pays-Bas, Bélarussie. C'est lequel qui fait Planète Mix ce vendredi soir? C'est moi. Bah tu pourras pas regarder le match. Bah si, on joue le télé devant. T'inquiète pas, je vais pouvoir regarder. On est équipé ici. Ouais, vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, bah, restez avec nous. On va se parler également des Cyrilona qui pètent un plomb. On parle du retour des clowns également. Mais attends, moi j'ai pas fait un débat sur pour ou contre fumer. Ah, je suis là, t'en as pas parlé. Ouais, bah, vas-y, bah, non, pour ou contre fumer, bah, là, est-ce que t'es pour? Bah, je suis pour les lieux publics comme les cafés ou les bars ou des choses comme ça. Ouais. Mais tout ce qui est centre commercial ou des choses comme ça, je suis contre. Parce que, pour les non-fumeurs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pour les non-fumeurs, ça se fait pas. Les cafés, je suis pas d'accord parce que tu vas me dire que fumer dans les restaurants, je sais pas moi, ça se fait pas. Ah ouais, pas. Non, pas en mangeant. Pas dans les restaurants, mais dans les bars cafés, ouais. Ou. Des bars du genre. Bah, les bars ambiance ou des trucs comme ça. Ouais, mais tu vas dans la bar ambiance au café où je bosse, là, gros, il y a 3 personnes qui vont déclarer une clope dans le café, gros, ça va être un brouillard de fumée. Bah, après, il faut mettre les aérations. Hein? Faut mettre des aérations. Ouais, au pire. Ouais, mais bon, après, ou alors à l'ancienne, les hélices au-dessus là. Après, tu vas me dire, bon, ça me dérangerait pas parce qu'ils l'ont bien fait. Enfin, c'est parce que ça a été voté en 2007, mais avant, comment ils faisaient? Enfin, j'ai regardé sur des vidéos là, Serge Gainsbourg, tout ça qui fumait sur un plateau de télé. Ah ouais, non, ça, c'était l'époque. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien. Enfin, plus ou moins, je vois bien que ça part en couille, moi. Donc, ça me dérange pas. Non, mais c'est bien, c'est la bonne époque où moi, les gens ils avaient pas de problème. Enfin, finalement, mais c'était mieux à l'époque d'avant. Ouais, non, bon, en tout cas, restez avec nous là jusqu'à 23h. On est là, on se parle de plein de choses. On se fera également le top ou le flop. On se fera également les infos insolites avec notre ami Ben. À 22h, on a le retour également du pervers qui sera. Bah ouais. T'as envie de te faire baiser? Commence à me branler, ouais. T'as envie de te caresser la chatte là? Ah ouais. Voilà. Ça, okay, parce que là, il fait le pervers, il fait la meuf aussi lui. Hein. Il l'a fait dans l'émission. Ah ouais. Ouais, carrément. Ah, tu le fais bien. J'ai de la concurrence. Hein. On va être copines. Ah oui. On pourra se toucher à deux avec Eric. Ah oui. Oh, pas de problème. Bah, pourquoi vous touchez pas ce soir à deux en direct avec Eric? Non, je vais rire moi. Ouais. Je vais rire. Il faudra lui proposer des trucs un peu plus hard quand même. Ah ouais. Oh bah ouais. C'est dégueulasse. On va demander s'il n'y a pas un dos de brosse à cheveux. Ah ouais. Ou un déodorant. Oh là, oh, oui, ça peut passer. C'est en évitant que ça fasse tch dans son cul. Ça lui réchauffera le cul. Oui. S'il va péter, ça va faire des flammes. Bon là, reste avec nous, en tout cas on est là jusqu'à 23h. Merci de passer la soirée avec nous. On se fait Martha Garrix là pour débarquer. Merci d'être avec nous. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Yeah. lights, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Le son de Martha Garrix à l'instant en direct là jusqu'à 23h, on est là. Alex Libre Antenne, merci de passer la soirée avec nous. Du lundi au jeudi, 21h-23h. Alex Libre Antenne sur Radio Mixlore. Mille fois je crois quitter la ville, les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Et ouais, on est là ensemble en tout cas jusqu'à 23h. Merci de passer la soirée avec nous. Alex Libre Antenne comme chaque soir en tout cas. Votre Libre Antenne en tout cas, merci d'être aussi nombreux. Hein. Ça fait plaisir à tous vos messages. Ce soir on parle notamment du sujet, c'est le fil rouge. Hein. Est-ce que vous êtes pour ou contre travailler le dimanche, n'importe quoi, fumer dans les lieux publics. C'est la réaction en tout cas, beaucoup de gens là aussi qui sont avec nous là, notamment côté standard. Allo allo, on a quelqu'un avec nous là, Ben qui est futur standardiste de l'émission, il nous ramène des gens au standard. Allo allo, on a quelqu'un au standard, allo. Ah oui, Ben. Attends, je vais dire un truc, c'est soit Joachim ou soit Teddy. Il y a des réactions. En tout cas là, le numéro il vient de Céline. Nous appelle, qui nous envoie. Allô. Allô. Ah. Ouais, c'est qui là? C'est Mathieu. J'ai commencé à me branler, ouais. Ah bah Mathieu. Mathieu de Bienne. Ouais, non mais t'es pas obligé d'attendre au Facebook. Ouais, salut mon pote, toi tu nous appelles pourquoi ce soir toi? Bon, pour passer une dédicace. Bah vas-y, bah complètement, vas-y, profite. Bah on se dédicace en direct. À mon poteau Jojo. Ok, bah dédicace à ton poteau Jojo. Tu fais quoi dans la vie toi? Hein? Tu fais quoi dans la vie toi? Allô? Ouais, tu fais quoi dans la vie? Moi c'est bah je travaille. Vous avez changé de personne hein, entre deux? Ouais, ça a changé de personne. Ça a changé de voix ou quoi? C'est quoi? C'est YMCA ou quoi là, au téléphone? Non mais tu fais quoi dans la vie toi mon pote? T'as quel âge? J'ai 26 ans. Et là, bah, c'est trop cher, j'ai travaillé en cuisine. J'ai pas compris, tu quoi? Mais attends, c'est le gars qui était là hier. Ça c'était le gars qui était... C'est lui qui dormait sur la chaise là. Ah, c'est toi qui es venu dans le public hier? Ouais. Sinon, le temps de réaction par rapport à ce que je dis, c'est normal ou t'as fumé des pétards ou tout quoi, ça va Ok, allez, t'es content de passer à la radio? Bah écoute, profite en tout cas, dédicace faite. Et bah justement, toi, tant qu'on en parle, évidemment, c'est le fil rouge de l'émission. Est-ce que vous êtes pour ou contre fumer dans les lieux publics? Et bah toi, mon pote, est-ce que t'es pour ou contre fumer dans les lieux publics? Non. Okay. Je suis contre, pas j'ai rien. Et pourquoi aussi? Attends, j'ai passé un autre. Vas-y, non. Alors, bah attends, il y a même qui a passé si tu veux parler. Bon, t'as qu'à faire, on va parler à la mère, le grand-père, on va parler à tout le monde, on va parler c'est même au curé. Curé, si ça continue. C'est la famille. J'ai l'impression d'être la famille de MHD. J'ai l'impression de. C'est un souk le bordel. Allô? Allô? C'est qui là? C'est Mathieu. En fait, c'est pas Mathieu. Il s'appelle tous Mathieu. J'avais poil sur la langue. Ah mais non, mais par contre les gars, les potes à Ben là. Ouais, allô. Allô, c'est qui? Ouais, c'est Didi. Ça va quoi, Jojo? Ça va quoi? Ça va, dédicace faite. Bon les gars, merci en tout cas d'avoir été avec nous là ce soir. On souhaite une très bonne soirée. Hein. Dédicace faite en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut, ciao. Salut, ciao. En direct évidemment là, on est là jusqu'à 23h. Bouge pas, on sera à Alonso également. La nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ors tout semblable. Elle demande général de cette musique. Bon voilà, en tout cas avant ça là, on va se faire qu'est-ce qu'on va se faire, tiens, les infos insolites, tiens, avec notre ami Ben. On retrouve en direct. Attends, Ben, pour quelques monsieur a une tablette pour faire son émission, monsieur. Écoute, les moyens, monsieur. On a les moyens contre la radio. J'ai même pas demandé si votre journée s'est bien passée au final. On en parlera évidemment tout à l'heure. On en parle après. Parce que moi je vais en parler parce que j'ai une journée de merde et je vais dire qu'on se j'ai un coup de gueule. Mais donc. Non, moi j'ai passé une bonne journée. Non, parce que je dois foutre. Toi tu dors toute la journée. Non, il va se passer. Non, j'ai pas dormi toute la journée, t'es fou. J'ai dormi jusqu'à 16h. Qu'est-ce qui se passe dans sa journée? Je me suis réveillé à 9h. À part que Sonnette a souffert de sa chambre et qu'il y a l'air et que ça le réveille, mais. Non, je me suis réveillé à 9h et rendez-vous Pôle emploi et tout ça. Le mec il dort tous les jours, mais évidemment, ce jour il doit être à l'heure, c'est ça, rendez-vous Pôle emploi. Parce que t'as fait la réunion Pôle emploi pour dire la réunion collective, ouais, non, comment ça marche pour l'emploi? Non, pour passer une formation. Formation de quoi? De jeux vidéo? Non, agent de sécu. Agent de sécu, toi? Ouais. T'as dit c'est agent de sécu, on est mal barré. Lui, l'agent de sécu, c'est le guetteur en bas des blocs. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça, t'as agent de sécu. Vendre la drogue et tout. Ouais, si Ben est agent de sécu demain, vous pouvez tous rentrer en discothèque, même les gamins de 14 ans. Ouais, carrément. Sauf qu'il consomme, je m'en fous. Ok, merci, ils vont boire du coco. Donc, on t'écoute info insolite ce soir, Ben. Une femme de 102 ans a convaincu les forces de l'ordre de Saint-Louis dans le Missouri de lui passer les menottes afin de connaître le frisson d'une arrestation. J'ai l'impression que Ben, quand il y a un truc, on dirait qu'il y a un livret de poche. Tu sais, il était une fois Robespierre qui rencontre Jean de La Fontaine au niveau du... Je pourrais faire Nuit Debout à C8. Ah oui, y'a pas de problème. Sur toute la nuit, on va faire les gars qui lisent des livres ici sur Radio Mixlore à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Ça s'appelle comment déjà cette émission? Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit. Ah, c'est la meuf qui lit des livres sur C8 là. Putain, ça rend de dormir debout cette merde. On est en rentrée une fois, ouais, tu sais. Bah, moi, tu sais que des fois, je mets ça pour m'endormir. Oh là, mais moi, je suis pas bizarre. En fait, lui, il met peut-être ça pour s'endormir, mais il comprend rien à l'histoire. Bon, non, tu vois. Bah, j'essaye pas de comprendre. En plus, on va parler avec Jojo, la dernière fois, il y a des meufs qui bégayent en plus, ils ratent des lignes et tout, on laisse tomber. Donc, il y a une meuf de 102 ans qui s'est fait quoi? Qui a convaincu les forces de l'ordre de se faire arrêter pour connaître les sensations d'une arrestation. Mon Dieu. À 102 ans. 102 ans. Ouais, bah après. 102 bah, ans. 102 ans. Bah, elle a pas envie de mourir con, c'est le cas de le dire. Hein. Donc après, pourquoi pas, ouais. Bon, après, c'est les flics, donc ça va foutre. Moi, à 102 ans, je l'aurais déjà fait. Enfin, je l'ai déjà fait à mon âge. Oui, nous avons des tollards. On récupère un petit peu tout le monde. Non, mais c'est des contrats CIU, SAE, CIU. Bon, vas-y. Vous connaissez Martin... Luther King. Martin Shkreli. Non. Qui est cet homme? C'est un homme des États-Unis, un genre... Parce que Ben, il fait style qu'il connaît en fait cet homme, il connaît même pas. Non, mais c'est un genre de premier ministre aux États-Unis. Il connaît déjà même pas les ministres en France. Un genre de premier ministre. Ouais. Et en fait, c'est le mec le plus détesté des États-Unis, car il avait augmenté le prix d'un médicament. Ah, j'ai entendu parler, ouais. Et d'accord. En fait, du coup, il a lancé une enchère pour que les personnes puissent le frapper. Ouais, c'est un peu comme un mec, comme tu me reviens, c'est un peu le mec qui a dit, par exemple, c'est un mec qui prendra une décision en France, qui dirait, demain, on interdit la clope en France, on arrête la vente d'interdit en mode, le mec il va se faire haïr, pas tout le pays, bah lui c'était un peu la même décision, il a pris une décision d'augmenter les prix des médicaments, du coup vu que là-bas les médicaments c'est très compliqué, parce que là, aux États-Unis si vous suivez un peu, ils ont pas de sécurité sociale comme nous, sécurité sociale, nous on a une évidemment offerte par le boulot quand on travaille, etc. En Amérique c'est pas pareil, les États-Unis ça coûte très cher de sécurité sociale, les gens ils sont obligés de faire eux-mêmes, et c'est vrai que les États-Unis complètement différent, donc du coup les médicaments si les augmentent encore plus cher, bah c'est les gens ne l'aiment pas, du coup c'est pour ça, putain je suis cultivé, je suis content. Mais sur une fois j'ai regardé un reportage sur ça, ils m'ont intéressé. Du coup ce mec là il a lancé une chair pour faire quoi? Pour se faire frapper. Celui qui mettra le plus d'argent pourra le frapper. C'est un fou, t'es le gars au bout du rouleau. Bah je crois qu'aux États-Unis de l'argent t'en manque pas, hein. Donc forcément il va se prendre des coups dans la gueule. Les États-Unis gros c'est pire que la France, hein, gros. Bah, pire que la France, ça dépend les machins, gros. Après, c'est ouais, parce que déjà, les armes là-bas, bon, c'est autorisé en plus là-bas. Ouais, ah, les armes, c'est autorisé. Donc je... bon, en fait, le mec, il est mort, je crois, d'avance. Mais je sais pas si la drogue, c'est autorisé là-bas. Oh non, mais gros, là, c'est bon, t'es pas non plus. Mais bien sûr que non, la drogue, c'est pas accepté là-bas. Non, après, tu vas dans les quartiers chauds, bien sûr, mais ça, après, c'est comme partout en France, mais non, c'est pas accepté, la drogue. Mais ouais, les armes sont utilisées, mais en tout cas, c'est un débat sur les armes, parce que tout le monde peut se prendre des armes aux États-Unis et ils disent rien, quoi. Mais ouais, ouais. Même ton permis, tu peux l'avoir à 16 ans, c'est bien ça. Ouais, ouais. Dédicace à Justin Bieber. Ah, voilà. Par contre, pour entrer en boîte de nuit, il faut avoir 21 ans. La majorité là-bas, c'est 21 ouais, ans. Ouais, c'est 21. Ouais, oui. C'est bidon. Comme aller à Las Vegas, ça. Ouais. On va attendre pour rentrer. Et comme nous avant. Charles, il rentrait nulle part. Ah bah ouais, c'est l'autre. Bah nous avant, c'était 21 aussi. Hein. Nous avant, la majorité, c'était à 21 ans aussi. Ah ouais Bah voilà, c'est 18. Bah tu nous apprends des trucs. Voilà. Donc, la suite des infos insolites, on t'écoute. Vous connaissez Katy Perry? Évidemment. Bah, bien sûr. Ben, pour les élections, elle se mettra nue pour encourager les Américains à aller voter. Ah mais d'accord. Voter pour qui? Donc, ils ont su pour qui, moi. Mmh, ouais. Oh lolo. Ah ouais, pour quel je sais pas du tout. Je sais juste que elle va se mettre nue pour encourager les Américains à aller voter. Ouais. Et d'accord, OK. Bah en tout cas, il y a beaucoup de débats en tout cas en ce moment là sur les trucs aux States par rapport à excusez-nous, il y a une chose qui nous fait rire dans les studios Mais en tout cas, beaucoup de gens, de personnalités, en tout cas, c'est une guerre parce qu'en ce moment, avec Hillary Clinton et Donald Trump, en tout cas, ça, c'est vraiment le gros débat. J'ai même vu leur débat là, qu'ils ont fait téléviser, là, le truc. Mais moi, je pense que c'est Trump qui va passer quand même. Non. Ouais, je sais pas. Si. Moi, je le sens mal parce que. En tout cas, je sais pas, il a une sale gueule. Enfin, ouais, ouais. Pas vu, mais bon. Après, je sais pas, je connais pas. Dans les Simpsons, il était passé, du coup, en vrai, il va passer. Mais moi je connaissais même pas, je crois que c'était encore Barack Obama. Mais c'est parce qu'en fait, Barack Obama. Non, il est déjà passé. Il est déjà pas... Non, c'est. Il y a encore, c'est pour les prochaines. C'est parce qu'en fait, il est déjà passé deux fois. Il a déjà été élu deux fois. Du coup, il peut plus être élu. Ah ouais, c'est pas comme en France. Non. Bah, même en France, hein, deux fois et après, tu peux plus. Bah, si. Non. Avec Chirac, il est resté. Ouais, mais après, c'est lui qui a fait la loi. Ouais, 5 ans. Ah ouais. Avant, c'était 7 ans. 5 ans et ah ouais, tu peux être président que deux fois. Ah ouais, d'accord. Ah c'est bien, t'as bien retenu tes trucs de histoire géo et de. Parce que Barack Obama, au fond, il doit être cool lui. Ça doit être sympatoche avec lui, Barack Obama. Oh, Barack ouais. Obama, tu peux casser la baraque. Bah, c'est un méga président quand même. C'est quand même un méga président. Tu connais pas cette musique là? Oh, Barack Obama, tu peux casser la baraque du Maroc à l'Amérique, de l'Irak à Bamako. Tu peux pas casser. Tu connaissais pas cette musique là? Non, pas du tout. Et dans 5 minutes, il nous la met. Laisse-moi 30 secondes. Nouveau hitra du Mixflore. Les autres infos. Un adolescent Sri Lankais. Ouais. Je sais pas c'est quelle origine. Bah au Sri Lanka. Ok. En Asie du Sud-Est. A été arrêté par la police pour avoir piraté et modifié le site officiel du président de son pays. Oh. Ah, bah, ah ouais, là, effectivement, mort, lui il est mort lui. Le jeune homme espérait décaler les dates pour les épreuves du bac. Ah d'accord, putain, si on faisait ça ici toi. T'imagines? Bah et ils l'ont fait dans un film avec Kev Adams. Ah ouais, mais un film aussi, mais pas en ah vrai. Bah ils l'ont fait quand même. Bah ouais, mais, ouais, mais lui dans la merde, je pense. Après, ouais, carrément. J'ai retrouvé la musique au Barack Obama. Vas-y, mais là. 2, 3, 4. Au Barack Obama, tu veux casser la baraque du Maroc à l'Amérique, de l'Irak à Bamako. Tu n'as pas la baraka, Obama, car tu te demandes à l'Afrique. McCain. Au Barack Obama, tu veux casser la baraque du Maroc à l'Amérique, de l'Irak à Bamako. Tu n'as pas la baraka, Obama, car tu te frottes à l'Afrique. McCain. Voilà, c'était la chanson du dimanche. Très bonne musique. Non, il faut des très bonnes musiques. Connaissez pas la chanson du dimanche? On rappelle que c'est un nouveau hitra de Mixfloor qui va passer très bientôt dans le Before Dance Floor de Kev. Vous connaissez pas, la chanson dimanche? C'est très connu, 3 millions de vues quand même sur leur truc. C'est, en fait, tous les dimanches, ils sortent une musique sur la société. En fait, et, bah, alors, en revanche, c'était au Barack Obama qu'il avait affaire à. Et c'est quoi comme groupe? C'est la chanson du dimanche. Ça s'appelle comme ça. Ah, ok, d'accord. Il y a pas de SNCF par exemple. 2, 3, 4. J'arrive à Paris en l'aéroport. Je prends le train. C'est n'importe quoi cette émission. Voilà, mais je fais découvrir aux gens tant les musiques. Et ils font des choses comme ça et c'est pas mal. Mais Apple Pen. Hein? Mais Apple Pen. Apple Pen. Je le mettrai après. Mais attention, tu sais qu'elle existe en français? Mais oui, je sais, on le fera écouter tout à l'heure en direct. Évidemment. Oui, les pubs, on est en retard sur les pubs. Attends, ouais, regarde. Ajoute derrière la musique parce qu'elle est pas mal. Par contre, on fera un petit tour des infos solides. Regarde, j'aime bien celle-là. T'as connu, t'étais battant, t'as connu, t'étais rêveur, on t'a connu. Eh, j'ai déjà entendu celle-là, je crois. Ah oui, j'ai connu. Attention. Et depuis t'as perdu la foi. Et depuis t'as perdu les cheveux.

jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Explore. On sera de nouveau David Guetta dans moins de 3 minutes. C'est ici que ça se passe, en direct évidemment, jusqu'à 23h. Qu'est-ce on l'a déjà mis. De quoi, David Guetta? Ouais, le nouveau David non, Guetta. Non, on l'a pas mis, non. Si, l'instant. On l'a mis tout à l'heure. Non, on l'a pas mis tout à l'heure, non. T'es sûr? Non, on l'a pas mis tout à l'heure, non. Tu te trompes. Je suis en train de regarder le. Non, mais tu dis n'importe quoi. Pourquoi tu dis n'importe quoi, toi? Bah, on l'a pas mis. Eh, je lui dis le nouveau David Guetta, il me dit on l'a déjà mis tout à l'heure. On l'a déjà mis tout à l'heure. N'importe quoi. On a démarré l'émission. On a démarré l'émission avec à la maison de Joe. Après, on a mis Calvin Harris, Martin Garrix et la Shy. Il faut que t'arrêtes de fumer un peu le bido. Ça veut dire quoi, Shy? Hein? Chai, c'est la chanteuse. Oh, voilà. Non, pas Chai. C'est la Chai. En tout cas, c'est une cassette apparemment qu'on dit à côté. Ouais, bah c'est pas. C'est un genre de jams. Ah ouais, d'accord. D'accord, ok. Ouais. Bah en même temps, quand t'écoutes la barana, bah on l'est. Alors, du coup. Chai, ça veut dire timide. Ah ouais, autant pour moi. donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que vous avez entendu parler de l'émission là, OVNI, là, tu sais, l'émission de Bertrand Chamorro sur W9 là? Ouais. Bah il a fait le buzz parce qu'il s'est fait clasher par Cyril Hanouna et Gilles Vernez dans Touche pas mon poste. Alors Touche pas mon poste, évidemment, ils font le retour de toutes les émissions télé. Alors il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas suivi, que Bertrand Chamorro a fait effectivement partie de l'équipe de Touche pas mon poste. Et c'est pour ça que j'aurais préféré qu'Al soit là ce soir, parce qu'il ne me croyait pas. Parce que tout le monde croit que Bertrand Chamorro, enfin pour moi c'est mon avis, que Bertrand Chamorro il est parti parce qu'il était fatigué, etc. Et pour moi non, ça, mais il est parti parce qu'il y a eu des coups de pression derrière. Il est parti parce qu'il y avait des coups de pression. Hein? Il est parti parce qu'il y avait bah ouais, non, mais Al il me disait qu'il est parti parce qu'il était fatigué comme il télé, mais moi ça, je crois pas. C'est l'excuse qu'ils ont trouvé. Ah oui, bien sûr. Mais à mon avis, et là on l'a bien, ça a été bien confirmé avec le buzz, parce que Cyril Hanouna et Gilles Vernez ont critiqué l'émission. Alors j'ai regardé tout à l'heure la vidéo OVNI en disant que le décor était pourri, que l'émission c'était un grand n'importe quoi, etc. Et du coup, Bertrand Chamorro, il en a parlé dans son émission, il s'est tapé une barre en fait. Il a dit en tout cas, ça m'intéresse beaucoup, une émission débile qui permet de critiquer. Enfin, tous ils se sont clashés. Donc, ouais. Ça montre bien qu'effectivement, il n'est pas parti et que, effectivement, s'il serait parti et qu'il n'aurait pas rogné son ancienne émission, enfin, en tout cas, ça montre bien qu'ils se sont bien clashés et que derrière, il y a eu des coups de gueule par rapport à ça. Je sais pas, vous avez l'occasion de regarder un peu l'émission de Bertrand? Non, j'ai pas regardé du tout. Je devais le regarder, mais j'ai pas trouvé le replay. Moi, je trouve que ça fait exactement partie, ça fait exactement la même chose que. Le mec tout seul là, comment ça s'appelle, sur TF1, pas sur TF1 mais qui était sur Canal et qui s'est retrouvé sur c'est le comment il s'appelle, mais le mec qui s'est retrouvé sur TMC, qui a son émission tout seul là. Yann Barthès. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait un peu exactement pareil en fait, c'est qu'il est dans son il a un bureau et il est tout seul, c'est son siège, et puis il montre des images en fait, tu vois, mais c'est un d'accord. peu le même délire. Je trouve c'est tous pareil maintenant, même machin. Ouais, ils se copient tout, j'ai l'impression. Même l'émission juste avant Touche pas mon poste là, Camille, là, c'est exactement un peu le même délire, il est tout seul, c'est pas Bah il a quand même trois chroniqueurs. Ouais, chroniqueurs, mais bon, enfin le mais en fait ça ressemble à Touche pas mon poste, l'émission de Camille. Ah ouais. Bah, je regarde pas trop, du coup j'ai pas le temps de. Bah c'est ça parle pas de télé, mais je veux dire c'est des infos comme il fait dans sa chronique quoi. Ouais. Donc, d'accord. Ah, voilà. Donc en tout cas on est en direct évidemment jusqu'à 23h. Bah tiens, qu'est-ce qu'on va se faire là, 21h dans 21h58, on va s'envoyer un petit son et juste dans moins de 2 minutes parce qu'on a pas avant 22h. Et bon, on va s'appeler Pervers en direct avec Eric. Peut-être que ce soir, on cache pas, il y a Fanny qui va. Oui. J'ai emmené ma cousine. Tu t'appelles comment cousine déjà? Stéphanie. Non, mais Charlotte. Charlotte. Ah oui. Charlotte. Oui. Charlotte. Ça et paraît Fanny. Pas mal. Fanny, ça va Charlotte? Vous allez vous enfoncer dans des trucs dans le cul là, ce genre. On va se toucher. Hein? On va se toucher. On va se toucher, voilà. Ouais, quel petit enculé, ouais. Ça sera évidemment dans quelques instants. J'ai lui mordillé le clito. Ça fait du bien. Ah là là, bah, ce sera dans quelques instants le retour du pervers. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous. J'espère qu'il va répondre là. Black Cam évidemment, dernière bombe. Dance Floor, j'adore ce son. Askip, on est là ensemble jusqu'à 23h. Et merci d'être avec nous. Askip, le rap est démodé. On est loin de l'époque de M.O.P. Askip, le black est surcoté. Sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Askip, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. Askip, je suis revenu pour tout rafler. Dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh, the roof is on fire. Les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières. Et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire. Les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières. Moi je suis complètement ailleurs, ailleurs, ailleurs, ailleurs. Askip, je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Askip, je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier. Mais comment c'est, je vous emmerde tous. douce. J'ai commencé, je finirai tout seul. Il faut Zerma, mais m'écoute en douce. Bienvenue dans mon monde, tu peux pas dire pousse. T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse-toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez, ouste. Il y a de l'or, mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot. Je suis comme Michael, je me demande who's bad. À la base, j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, le rap, c'est nous, on ne bouge pas. Ça tire, mais ça ne me touche pas. Bla bla bla. Comme le forum sur Bouska. The roof is on fire. Mes gars sont tous d'ailleurs. La mise, elle fait des manières. Et moi, je suis complètement ailleurs. The roof is on fire. Mes gars sont tous d'ailleurs. La mise, elle fait des manières. Et moi, je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Parce que je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Parce que je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier. Mais c'est du son pour nous, c'est du son pour tout bap. Les yeux sur toi et tu te prends pour Tupac. Ils attendent d'être validés par Booba. Moi j'attends mon chèque. Mais ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. Je suis comme Benzema, je suis pas du tout coupable. Non mais ce je ne suis pas un loupard. Mais d'abord dis-leur que quand on tire on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la fois les poupas. J'ai que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesrine Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut à Tibé, Harry, oui c'est mon et Broussa. Et on dit que je suis dans ma folie. Oui Allez, merci de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h. En tout cas on est là, on bouge pas. Il y a Ben qui est avec nous et Quentin. Oui. On est là, on bouge pas, ils vont se transformer ce soir. Avec Quentin qui va se faire passer pour Fanny ce soir. Oui, tout à fait. Ah là là, il est très très chaud ce soir. Oh oui, j'ai déjà mis ma petite nuisette. Et puis peut-être ce soir, je dis bien peut-être, évidemment. Alors j'espère qu'il va répondre. Parce que aussi, c'est vrai que d'habitude on vous cache pas qu'on le prépare dans l'après-midi. Là, on n'a pas trop le temps de l'appeler. Donc là, j'espère qu'il va répondre en tout cas au pervers, au pire des cas. Bah, moi je vous cache pas que j'ai un petit peu mal à la gorge, donc si ça part en couille, c'est pas de ma faute. Non mais j'espère qu'on va pas le perdre parce qu'on aime bien notre Eric. Je serai là pour rattraper le coup. Eric National. Oui. Voilà, mais en tout cas, la petite cousine, alors on va voir déjà si Eric a envie d'avoir une cousine, hein, parce que peut-être qu'il va pas. Hein. Tu dis que ta cousine elle est dans la chambre à côté, que pourquoi pas tu peux l'appeler. Ouais, je vais aller la chercher. Pourquoi pas tu peux l'appeler. Cousine. Il faut pas que Bey rigole parce que. Ok, bon, on y va, on appelle Eric le pervers en direct. Parti. Évidemment, 22h03, on est ici, on bouge pas, on appelle Eric, j'espère qu'il va répondre. Coquin. Ça va me faire baiser. Ouais. Ouais. C'est parti. Attention. Oh bah j'espère. Putain. Ah, ça pue du cul. Ah merde. Attends, on va essayer de le rappeler. On va y laisser un message tout à l'heure. Peut-être qu'il voit que c'est inconnu alors. Ah non mais d'habitude il répond. Il est habitué. Il me fait la gueule. Hein ? Il me fait la trompe. Bah je pense bien, ça fait une semaine et demie qu'on a plus de nouvelles. Oui, il a peut-être trouvé une copine. Je le disais la dernière fois qu'il part en week-end. Je vous cache pas que j'ai un petit replay du pervers. Je sais pas si. Ah putain, il répond pas. Ah putain, c'est chiant. Ah, merde. Ah bah c'est mort, pour le pervers ce soir. Putain, fait chier. C'est con, on croyait qu'il allait répondre, hein, mais bon. J'espère qu'on l'a pas perdu de vue. On l'aura demain alors. Rassurez-vous, si on l'a pas aujourd'hui, on l'aura demain, notre pervers. On va essayer de l'harceler jusqu'à temps qu'on l'a. Non, bah ce sera quelqu'un d'autre au pire, hein, s'il répond plus. Oh non, pas mon Eric, hein, quand même. Hein? Pas Eric. Ouais, mais c'est vrai qu'Eric, on l'aimait bien. Hein. On essaiera de lui envoyer un petit SMS et s'il répond pas, on essaiera de changer de pervers du coup. Hein. C'est pas très grave en tout cas. Donc merci en tout cas de passer la soirée avec nous. Et bah tiens, est-ce que je vois que je l'ai pour ceux qui ont envie de faire un petit roleplay. Évidemment, l'appel corbeau, je sais pas si tu te rappelles l'appel, l'appel corbeau, on va se le refaire un petit peu là en direct. C'était t'étais Pierre. Là pour l'appel corbeau, Ben. Oui. Ah t'étais là, ouais. Non mais c'est bon, Pierre. C'est fini. Ah merde. Hein? Comment ça s'appelait, Pierre? Ah, je sais plus. Vous appelez. C'était l'appel corbeau, c'était exactement jeudi dernier, c'était ça. Ouais. Faut pas arrêter d'envoyer des lettres, hein. Faut envoyer corbeau, corbeau. Oh, on va pas tout le faire non plus parce que les corbeau gens. Corbeau. D'accord. Je ne vois pas tout le faire non plus parce que les gens ils vont se barrer. Ah bah vas-y, on écoute, c'est parti en direct. Allô. Allô Pierre. Oui bonjour. Oui bonjour, je suis votre voisin là. J'habite à côté de chez vous là, à l'avenue José Saquière. Ouais. Oui, je vous dérange pas? Non non, pas du tout. Non non, voilà, j'ai un petit souci voilà, parce que ça fait un moment que là ma pelouse elle est un peu dégradée. Je pense que c'est enfin moi en tout cas les voisins m'ont dit que c'était un peu de votre faute. Pas là. Bah, parce que, en fait, vous êtes mon voisin d'où? Bah, je sais pas si vous voyez là, avenue José Saquière, là, je sais pas si vous voyez sur le coin. Mais j'habite pas là, moi. Non, je sais, vous êtes côté Henri Sapia, là, c'est ça, là. Oui, c'est ouais, ça. Bah, c'est ça, ouais. Bah, moi j'habite un peu plus loin, là. D'accord. Et j'aimerais que vous arrêtez de taper des pattes pour ramener des vers de terre, quoi. Oui, allez-y, je vous écoute. Ah voilà, non, c'est parce que voilà, la pelouse est dégradée à cause de ça, quoi. C'est corbeau. C'est corbeau. Quoi qui est dégradé? Bah ma pelouse. C'est corbeau. La pelouse. Oui. Je vous arrête pas de tapoter des pattes. Non mais je crois que vous faites... Et je ça ramène vous des erreurs, monsieur. Ça ramène des vers de terre avec vos pattes. Du coup, monsieur corbeau, faut se calmer. Mais les pattes de quoi? Bah vos jambes. Vos pattes. Corbeau. Non mais je marche sur aucune pelouse, j'habite dans un bâtiment moi, il n'y a pas de... Non mais justement, ma pelouse à moi, monsieur Corbeau. Monsieur Corbeau. Allô. Monsieur Corbeau. Oui, je vous écoute. Ouais, non mais faut arrêter là, le tapoter des pattes là. Et Mais quoi tapoter des pattes? J'aimerais aussi que vous arrêtiez d'envoyer des lettres anonymes, hein. Monsieur Corbeau. Bon, écoutez, moi, vous savez quoi? Oui. Je vais vous. On va se donner un rendez-vous, et ben là, je pense que vous faites erreur, là. Ben, rendez-vous pourquoi, monsieur Corbeau? Mais des lettres anonymes et tout le bordel, mais qu'est-ce que j'ai autre chose à foutre que d'envoyer des lettres anonymes? Qu'est-ce monsieur que Corbeau, faut arrêter de parler avec le renard, là. Moi, je souhaite parler qu'à vous, monsieur Corbeau. Bon, allez, c'est super, c'est une bonne plaisanterie, mais. Non, mais monsieur Corbeau. Si vous savez où j'habite, venez me voir, on discutera, ok? Là, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Mais monsieur Corbeau, je souhaite vous parler avec le renard. Ouais, bah voilà, c'était l'appel évidemment du corbeau. On avait bien aimé en tout cas. C'était pas mal, voilà, en tout cas. Dommage pour les pervers ce soir, bon, on leur fera des demain. Rassurez-vous, on leur parlera demain. Eric nous a pas aimé ce soir. Moi, ça prouve que c'est du direct, hein, mais Eric, il est pas très très chaud ce soir. On l'appellera évidemment demain pour la dernière de la Libre Antenne, en tout cas, la dernière de la semaine. Mais avant ça, avant de vous prendre par là, parce que c'est le fil rouge de l'émission, hein, si vous êtes pour ou contre, fumer dans le lieu public. On parle également de top ou flop dans quelques instants, donc restez avec nous. On sera jeûné 5 mois, on appellera les hôtels, hein, évidemment. Donc restez avec nous. Son of Legend pour la suite avec Blues. We'll be right back. Allez, merci de passer la soirée avec nous, la bombe de Sound of Legend. On est en direct évidemment jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. Merci en tout cas d'être avec nous, ça fait plaisir. Du lundi au jeudi, 21h, 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mixlore. Et on est là, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, ça fait plaisir. En tout cas, on est là, on bouge pas. On vous prend également côté standard hein, si vous souhaitez réagir par rapport au message. Je vais être pour ou contre fumer dans les lieux publics, là, comme José là, qui nous dit là, côté message. D'ailleurs, on a une auditrice qui est avec nous. Allo, allo? Allô, on a Amandine qui est avec nous, si je ne dis pas de bêtises. Amandine? Oui. Oui, bonsoir Amandine. Oui. Bonsoir Amandine, ça va bien? Oui, toi? Ça va, tu fais quoi dans la vie Amandine? Bah, je suis au lycée. Ah, j'ai l'impression d'être dans zéro limite quand je faisais passer tout le monde. J'aime bien faire passer comme ça des gens aux auditeurs. Non, mais c'est comme mortel. Ça. Mais oui, j'aime bien moi, ça fait un peu radio libre. Les auditeurs sont proches de nous. Exactement. Okay, merci Ben. Je travaille sur France. Ben, il faut pas être trop proche de lui parce que. Ça va, c'est vrai. Voilà, je vais bander. Ça va, c'est qu'à moi de te baiser là. Ouais, c'est ça. Bon, Amandine, en tout cas, on parlait notamment, est-ce que vous êtes pour ou contre de fumer dans les lieux publics? Est-ce que toi déjà tu fumes? Bah non, je fume plus. Je fume pas. Ah, j'ai fumé une fois, mais c'est vrai. Ah bah t'as déjà fumé la petite cigarette. Bah t'as quel âge? Ouais. Bah 17. Ah 17 ans, ouais. T'as déjà fumé J'ai fumé une fois, il y a longtemps. En cinquième. Ouais. En cinquième? En cinquième? Ouais. Bon, bordel. Ouais, mais ça date. T'as jamais fumé pétard tout ça? Non, juste la cigarette une fois. Mais après j'ai arrêté, parce que j'aime pas trop. Ouais. T'as bien raison. Ouais, mais c'est bien. Et donc, ouais, j'ai essayé parce que j'étais en groupe. Et tout. Ah, c'est souvent ça quand on veut démarrer à fumer. Ouais. C'est quand t'es en groupe, tu vas faire le malin avec tes potes. Comment t'as commencé à fumer, Quentin? Voilà. Tiens. Pardon? Comment t'as commencé à fumer? Ouais, c'était au lycée. Ouais, faut que j'aille faire. J'étais en première. T'as voulu faire le malin quoi. Ouais, c'était devant la grille du lycée. Et je voyais tous mes potes avec des clopes et tout ça. J'ai commencé par demander la fin des clopes. Ouais, et après, bah, on m'a demandé on me disait, Quentin, t'achètes pas de paquet, tu fais chier, toujours réclamé. Bah, du coup, bah, ce que bah, je te rassure, 3 ans après, c'est toujours le même chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non. Donc, on m'a demandé d'acheter des paquets de clopes parce que j'étais chiant à demander toujours les fins de clopes. Et ouais. Voilà, ça s'enchaînait. Et puis aujourd'hui, bah, je suis toujours fumeur. Ouais, tu auras toujours malheureusement. Allez, et toi, Ben? C'est sûr, je dois le dire. Non, si, bah, c'est dans quelle classe déjà, toi? J'étais en 6ème. En 6ème? Il est tombé. Mais en fait, c'est quand j'ai commencé à sortir dehors. En bas des blocs. Ouais. Heureusement que tu sors dehors. Ouais. En bas des blocs. Vas-y, parce qu'en fait, il faut savoir que Ben, c'est le quartier, hein, c'est le charter. C'est le checks. C'est le mec, faut pas casser les couilles, quoi. Ouais, donc. C'est quand je commençais à sortir en bas des blocs et je voyais tous les grands fumer, tout ça. Attends, deux secondes. Laisse-moi juste 2 secondes pour faire ta narration, mais t'as besoin d'une musique. J'ai fait une musique un peu quartier, tu vois, pour que genre on se mette en plein dedans comme ça. Tu racontes un peu ton enfance, hein, Ben, pour ceux qui sont en direct, évidemment. Avec, Attends, on va avancer un peu là quand même, un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je commençais à traîner en bas des blocs et tout ça, et je voyais les grands fumer. Et en fait, un jour, j'ai voulu essayer. Et depuis, j'ai jamais arrêté. T'as fait quoi? Un jour, j'ai voulu essayer de fumer une clope. Ouais. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Ah ouais. Donc voilà. Ah, c'est ça, ton ma foi. Enfin, là, tu nous vends un truc. Attention, vous avez prévu. Bah, on veut dire rien de spécial. Bah... T'es juste descendu en bas des blocs, t'as fumé une clope et puis ça a marché. Non, mais... on m'a forcé à fumer. Oh, ah, t'as forcé? Ah, t'as forcé? Oh, c'est vache. Ouais, il fallait porter plainte. Ah, porter plainte. Bon, t'as jamais forcé à fumer, Amandine, toi? Non. Non, ça va. T'as voulu tester comme tout le monde, quoi. Voilà. Et en fait, si je fumais pas, bah les grands ils me tapaient. Ah, c'est vrai? Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est pas des conneries. Ouais, faut pas faire ça. Bon, message à tous les grands. On vous emmerde. Vos pisses au cul, vos chiens à l'arrêt. Salopio. Ok, Amandine, dédicace en tout cas. Amandine, tu veux faire quoi plus tard dans la vie, Amandine? On s'intéresse à vos auditeurs, auditrices. Coiffeuse. Ah, c'est bien, coiffeuse. Ah, mais c'est... comme c'est trop compliqué, bah je me dirige vers la vente. Non, c'est facile, coiffeuse. Ah. Oh, tu rigoles, c'est chaud à trouver des salons. Bah, mon ex, elle est coiffeuse. J'ai l'impression qu'il a sorti tout le pays. Enfin, c'est une coiffeuse de Tchekar aussi, gros. Là, t'as coiffé Jams. Ça me rappelle ton coiffeur à toi. Ce que je veux dire, j'ai un coiffeur. Alors, attends, je vais pas vous dire une connerie. Mais... En fait, j'ai deux coiffeurs. En fait, j'ai coiffeur Mister Coco, qui est un de nos partenaires. Mais malheureusement, quand j'ai pas forcément le temps, j'ai un coiffeur. Alors, je veux pas vous cacher que j'ai un coiffeur au bout de ma rue. Et ce qui est très pratique, un coiffeur au bout de sa rue, c'est parce que, genre, des trucs imprévus ou genre, on a une grosse scène un week-end. Et je me dis, ouais, putain, faut que je passe chez le coiffeur. Du coup, l'avantage, c'est que ce coiffeur au bout de ma rue, alors je fais des cas, ça, mais en plus, des fois, il écoute la radio parce qu'il sait que je fais la radio. Et il s'appelle Gilles. Et Gilles coiffure. Et en fait, je vous jure que c'est vrai. En fait, il n'y a jamais personne dans son truc. Et en fait, il n'y a jamais personne qui vient dans son truc. Du coup, je sais qu'à chaque fois où j'y vais, je vais me faire coiffer. Et je vous jure que c'est pas une colis. Des fois, en fait, quand j'arrive, genre, il y a un mois, j'ai été, c'est pour ça que ça fait beaucoup rire, Quentin. Bah, il dormait sur la chaise. Il était dans la tête dans le journal, il dormait sur la chaise, je vous jure que c'est vrai. Et je suis rentré, il m'a fait, ah, c'est toi, tu, comme d'habitude. Bah ouais, comme d'habitude. Et en fait, il dormait sur la chaise. Et parfois, quand il est pas dans le salon. Ah bah oui, bah non, mais c'est parce que ouais, y a plein de trucs avec lui. Ouais, j'ai l'habitude, ouais. Ou genre quand t'arrives devant la porte, quand j'arrive déjà à 2h30, puis c'est marqué sur la porte, je suis pas là, je suis au bistrot, viens me chercher. Et je vous jure, parce que je le connais, enfin c'est mon quartier. Du coup, je vais au bistrot chercher. J'ai Gilles, t'as envie de me coiffer. Ouais, je termine ma bière et j'arrive. Et du coup, ouais, c'est comme mais ça. Non. Bon, mais c'est génial. Mais comment il fait pour ça lui fait de la pub. Comment il fait pour tenir son salon en fait? Hein? Comment il fait Il a un deuxième boulot en fait. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a été en arbitre professionnel au foot. Ah ouais, il fait Ligue 2, tout ça. Ouais. Donc il fait ça le week-end. Et le week-end, et du coup, ça permet, je pense. Ça permet bien. Ouais, donc enfin, ouais, il fait peut-être pas Ligue 2, mais en tout cas, il gagne bien quand ouais, même. Ouais, il gagne bien. Donc, le coiffeur, c'est un plus pour lui, il aime bien cette passion, quoi. Mais voilà, donc des fois, il est au bout du rouleau. Des fois, ça arrive, c'est tout simple, c'est que je vais voir le coiffeur et quand je lui donne, je lui donne 20 balles, et vu qu'il n'y a pas un client. Mais quoi ouais. Oh là. Et du coup, je lui donne 20 balles, et vu qu'il n'a pas de monnaie, vu qu'il n'a pas de client, bah, il va au bistrot du coiffeur. Du coup, ouais, ça, c'est chaud. Donc, dédicace à lui. Bon, en tout cas, Amandine, merci d'avoir été avec nous ce soir. Oui. C'est ta mère qui gueulotte derrière. Ah, mes frères, ma soeur et mon frère. Ah, ils ont quel âge? Mon frère, il a 8 ans et ma soeur, elle a 10 ans. Ah, bah, c'est l'âge bourbaine, c'est bon. Ouais, ça va. Bon, là, j'arrive. Ma soeur, c'est une pipelette. Donne-moi ton adresse. Ah, c'est une pipelette. Wow, t'inquiète, ouais. T'inquiète pas, il va s'en occuper. il va parler sur Facebook avec. Lui, c'est une pipette. C'est une pipette, mais avec autre chose. Voilà, en tout cas. Bah, merci, t'es avec nous. Ça fait un moment que tu connais Radio Mixflore, toi? Non. Ah non, ok. Ça c'est dit. C'est gentil. Hein. Ah, c'est ça, Amandine, ouais. Amandine, si tu dis pas de bêtises, ouais, t'es déjà venu ici, ouais. Bah, tu Bah ouais, deux fois même. T'étais, ouais. Oh, trop faux. T'étais à Paris à l'époque. Et t'es arrivé sur ouais. Calais. Okay. Ah oui, oui. C'est mieux d'habiter à la capitale ou c'est mieux d'habiter une petite ville comme Calais? Je préfère Calais. Calais. Bon bah putain. Ouais. Viens vous installer à Calais. Moi je préfère la capitale. Hein? Je préfère la capitale moi. Parce qu'il y a Joule. Bon en tout cas. Bon en tout cas merci d'avoir été avec nous là ce soir. Bah, bonne soirée. Bah, dédicace avant de quitter Amandine. On t'écoute là du côté de Calais à 6-2. Bah je sais pas. Personne m'écoute. À qui? Ah, je sais pas. Bah, je sais pas moi. Personne m'écoute. Personne l'écoute. Oh la meuf sans amis. C'est la première fois. Du coup, attends, vas-y, bah fais une dédicace. Je sais pas. T'as pas un copain toi? Bah si. Il habite où ton copain? À Calais. À Calais aussi. À Calais. Ouais, ok. Et combien de temps t'es avec? Là, ça va faire 4 semaines. Ah, ouais. Ah oui, bah moi, bon, ouais. c'est tout frais. Comme le poisson qui vient de servir. Ah, il y a ma mère. Ah, il y a ta mère. Les premières auditrices qui écoutent. Ah, bah qui c'est? Je suis malade. Elle est malade. Ils sont dans la foot. Okay, non, et là, j'ai envie de dire. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Elle a dit qu'il faut un remède. Ah, il faut un remède. Contre les gros rhumes. Ah, attends, ouais, attends. Putain, mais tu as bien dit. Il est là, le remède. Il est remède. Il y a ça aussi, Eric, qui conseille. Ça, je me suis bien doigté dessus en portant à toi. Ça, un remède. Ouais. Ah, bah, dédicace à ta mère, évidemment, là. Ouais. Salut. Voilà. Bon, en tout cas, bah, dédicace, et puis on te souhaite une très bonne soirée, Amandine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À bientôt. bientôt. Salut, enfin, bisous. Ciao. Ciao. Alors, on dirait évidemment jusqu'à 23h. On est là, on bouge pas. On se parlera. On se fera le top ou flop dans quelques instants. Et on se fera le jeu des 5 mots aussi. On appellera les hôtels. Donc, reste avec nous. On est là. On se fait la dernière bombe de David Guetta. C'est une reprise en plus. Ouais, ça me fait quelque chose. Ouais, ah, c'était une reprise. Ouais. Je sais plus quelle année, mais. Ouais, et apparemment, il a quasi rien changé. Ça doit être bien Merde, j'arrive plus à parler. C'est quoi? C'est le début des années 2000 ou fin 90, non? C'est pas ça? Ouais, je veux pas. Attends, je. Semble. Parce qu'en fait, on m'a dit que c'était carrément une reprise copiée. C'était carrément le même son que. Que. À l'époque. Donc, j'ai bien envie de. D'aller voir le son original en fait. Parce que c'est vrai qu'il change rien comme un peu la Sound of Legend. Sound of Legend, ouais. C'est la reprise de blues là. Ouais, c'était ça. Donc c'est vrai que c'était pas top hein. Donc attends, c'était qui ils avaient sorti ça? Leur chanson c'était Charles et Eddie. Charles quoi? Bah, Charles et Eddie apparemment. Charles et Eddie. Ouais, Charles et Eddie. On n'est pas jamais entendu parler d'un connu au bataillon. Donc voilà. Charles et Eddie, attends, est-ce qu'on peut essayer de l'avoir le son original? Apple Pen. Ah non mais Apple il fait chier qu'Apple Pen. Attends, ah ouais, donc c'est ce son là apparemment, c'est les années. Attends, c'est sorti. Ouais, c'est une reprise, c'est une vieille. Attends. J'ai une pomme. C'est ça. Oh, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec du jouer de la musique. Mais... Bon, je crois juste. Ouais, non, je t'ai trompé là. C'est pas je crois juste trompé. Ouais. Vous êtes toujours sur Radio Mix Floor. Ah, je... ah oui, ah, je ouais. connais. Ouais. Et là, attention. Et là, attention, la reprise. Allez, d'accord. Ah ouais. Bravo, David. Ah, y a un mec qui sort en meuf qui fait oh yeah! Dans le clip, c'est un truc de ouf. Les gars, je te jure, viens voir quand ça arrive. Ah, y a un mec qui déguisé, il fait oh yeah! Ah, je vous jure, il y a une sale gueule, le mec. Il est... oh, pff. Ah, le mec, on dirait les UFC, les gars. Oh, il a une sale gueule. Bon, reste avec nous. En tout cas, on est là jusqu'à 23h. Et David Guetta qui était dans mode 3 minutes. À tout de suite. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Une cible facile. Une maison isolée. Il est aveugle. Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi. Tom Brave, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Tom Brave, La Maison des Ténèbres, le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot, et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout, et surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. Linox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans notre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux. M'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Et ouais. Le nouveau David Guetta à l'instant en direct, évidemment jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Elle voulait juste les papiers, tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Tu lui as tout donné, tu payais même le loyer. Elle avait son job. Elle voulait juste les papiers, bien cette musique là. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Hey, vous allez pas être con, mais ça veut dire quoi, elle avait son Joe? Elle avait son son Joe, c'est un mec, c'est son ça bah, je pense, elle avait son copain. Ou alors c'est un ch'ti, elle avait son Joe. Ah, on va faire la reprise. C'est ça, elle est là, la parodie. Elle avait son Joe, elle avait son Joe. Non, tu vas faire la danse du saucisson, donc on peut pas être partout, hein, malheureusement. Faudra la faire après. Faudra la faire après. Donc la danse du saucisson, voilà, bah, bon, ça fait ça, 2 semaines qu'on fait là tous les soirs. Ah bah écoute, c'est l'hymne de la radio. Hein. Ah, mais attends, c'est. Puis après, bientôt c'est la reprise, elle avait son Joe. Elle avait son Joe. Reprise. Elle avait son Joe. Voilà, c'est ça. On va s'ajouter 5 mots, évidemment. Vous balancez vos mots, on appelle les hôtels. Le but, c'est de faire une réservation avec ces mots, évidemment, qu'on balance. Ça peut être n'importe quel mot. Ce soir, c'est Quentin qui s'y colle. Ouais. Évidemment, pour ce jeu. J'aurais peut-être pas le même talent que monsieur Hall. Ah bon, on verra bien. Bon, je sens que je sens déjà d'avance que je vais me planter. Ouais. Non, mais si, attends. Pourquoi tu dis ça? Tu vas te planter n'importe quoi. Donc, je dis quoi que je suis une entreprise Tu veux ce que tu veux, totale improvisation. C'est parti en direct. Ah ouais, là, je vends du saucisson. Ah bah écoute, ouais, écoute. Allez, je vais te faire ça. Bah, moi, j'ai balancé un mot, je vais mettre guillotine comme mot. Guillotine. Ouais, tu alors. Notes guillotine, attention aux mots. On a des mots aussi, ils ont arrivé la part d'auditeurs et auditrices, je vais les lire. Attends, guillotine. Je vais regarder parce qu'ils nous ont envoyé des messages. Nicolas qui nous dit chemin. Chemin. Un mot, Ben. Conjonctivite. Conjonctivite, voilà. Je sais que c'est une genre de maladie, mais je sais pas c'est quoi. C'est parce que c'est une conjonctivite. Bah non. T'es con ou quoi? Bah je sais pas ce que c'est une conjonctivite. Ouais, bah j'en ai jamais eu donc forcément. Bah non, mais en même temps c'est c'est un problème sur le corps, je sais. C'est pas un problème sur le corps, c'est dans les yeux. Ah, c'est conjonctivite, bah c'est quand t'as bah, en fait les yeux, c'est quoi? C'est sur le corps. Le truc que t'as dans les yeux, c'est qui permet de c'est un peu liquide là. Bah en fait, c'est ça quand t'as un problème et ton œil devient rouge, c'est avec conjonctivite. Ah oui, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est ce genre de problème là. Moi, je suis plus dans les détails, mais c'est par rapport à ça. Voilà, j'ai Corbeau aussi qui arrive en message. Corbeau! Corbeau! C'est Corbeau! Synchro. Voilà. Et puis, un dernier mot là, de la part de quelqu'un dans le public. Un mot peut-être en direct? Encyclopédie. Allez. Voilà, bien faire chier le monde. Ce que je ne regarde jamais. Ah bah, non, c'est sûr, tout court. Allez, vas-y. Encyclopédie. Lui, Ben, quand il regardait. On appelle où? Il prenait des magazines, il regardait que les images. Quand on appelle où? On appelle du côté de Toulon ce soir. Toulon, dans le sud de la France. C'est parti, on appelle en direct. Alors, les 5 mots qui sont? Alors, il y a guillotine, chemin, conjonctivite, corbeau et encyclopédie. C'est parti. Bien. Est-ce que c'est un accord mis? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Monsieur Marcel, à l'appareil, ce serait pour faire une réservation, s'il vous plaît. Bien sûr, ne quittez pas, je vais à la réception. Merci beaucoup. Voilà, alors, pour quand, monsieur? Ce serait pour demain soir, s'il vous plaît. Demain soir, oui. Oui. Pour combien de nuits? Une nuit, seulement. Alors, une nuit, combien de personnes? Nous serons deux. Deux personnes, d'accord. Vous voulez une chambre vue mer ou côté ville? Pardon? Vue mer ou côté ville? Côté ville, s'il vous plaît. Côté ville. Est-ce que j'ai à disposition? Par contre, est-ce qu'il y a un petit chemin pour pouvoir se balader à proximité du... à proximité de l'hôtel? Un petit chemin? Oui, enfin, un petit chemin sympa, un genre de parc ou quelque chose dans ce genre. Oui, il y a le jardin du Morillon, qui est à peu près à 300 mètres de l'hôtel. D'accord. C'est pas là où il y avait... excusez-moi. C'est pas là où il y avait la place de la guillotine? Dans le temps, non? Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Bon, c'est aucune pas grave. Idée, non. Alors... Premier prix, j'ai une chambre à 124 euros. 124 euros. D'accord, ouais. Bon. Ça vous convient? Oui, impeccable. D'accord, alors il me faut votre numéro de téléphone. Alors c'est le 07. Oui. 26. 26. 35. 35, oui. 46. 48. 46. 46, oui. 72. 72, parfait. Votre adresse 26. Oui. Boulevard. Mmh. Des Puceaux. Ouais. Oui. À Lens. Des Puceaux à Lens. Voilà. Votre numéro de carte bancaire. Alors, le 12. 25. Oui. 78. Oui. 96. Oui. 45. Oui. 68. Mmh. 10. Oui. 68. 68. Le cryptogramme derrière. 362. 362. Parfait. Bon, comme ça, je rentre le numéro de carte. S'il y a le moindre problème, je vous rappelle le numéro que vous m'avez donné. D'accord. Donc, en ce qui hein? concerne la chambre, vous avez une télévision, oui. tout ça? Oui, bien sûr, télévision, minibar. D'accord, super. Après toi. Hein. Bon, je vais peut-être un petit peu embêtant, parce qu'en fait, j'ai une conjonctivite à l'œil droit. Et donc, je voulais savoir s'il y avait possibilité de régler l'image ou quelque chose comme ça avant qu'on arrive. Je pense, oui. Avant que vous arriviez, non, vous le ferez vous-même, ça. On pourra le faire nous-mêmes, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Eh ben, il y a télécommande, faites ce que vous voulez. D'accord. Et avec le parc, je pense au parc qu'il y a juste à côté, il n'y a pas trop de corbeaux le soir ou le matin? Ça, vous verrez par vous-même. Hein. D'accord. Ça vous dire. Hein. D'accord. Parce que, en fait, je travaille pour une maison d'édition. Et oui. Je voulais savoir s'il y avait des encyclopédies que vous pourriez nous prêter ou dans les bureaux ou quelque chose comme ça, enfin même dans l'hôtel quoi. Je sais pas si on pourrait. Non, du tout. Non, non, pas non, du tout. Du tout. Absolument pas. Bon, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie voilà. beaucoup, monsieur. Ça me fait plaisir. Je vous en prie. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir. Et ben voilà, finalement on est pas mal, c'est pas mal. On a réussi finalement, Quentin. Mais Quentin, lui, il a tout déballé d'un coup, lui. À la fin, lui, tu vas aller. Bah, reste trop mou, on balance le truc. Mais c'était bien recherché quand même. Ah, c'était bien. C'était on, fait bien. On fait avec les moyens du bord. Ah non, c'était pas mal, c'est pas mal. Mais écoute, ça fait un moment qu'on a démarré la saison radio et je me dis, Ben, il a peur de faire jouer les 5 mots, mais j'ai envie de le laisser tenter ce soir, non, Ben, non, de jouer non, les 5 non, mots. Non, avec non, les non. mêmes 5 mots pour moi, ça va te dire. Mais si, vas-y, vite fait, mec, qu'est-ce que ça te coûte? C'est une conversation normale, en fait, il faut juste rechercher par rapport au mot que t'as devant. Mais qui t'a peur de quoi? Non, je peux pas. Mais si, vas-y, donne les mots. Non, non, je vais le traiter. Bah, prends les mots. Tu vas l'appeler, je vais le traiter. Bah, traite-le. Mais non, pourquoi le traiter? Allez, vas-y. Non, non, non, je fais pas ça, t'es fou. C'est l'hôtel de la Zup que t'appelles, non? Ah, non, je fais pas ça, je fais pas ça. Ça me met hors de moi, Allez, on appelle l'hôtel, tu te démerdes avec lui. Mais si, bah, traite-le, tu dis ce que tu veux, tu le vois là, genre, ah, foot. Fais-le pour l'honneur et toutes les auditrices qui t'écoutent. Vous êtes en communication avec l'hôtel Le Jaurès. Tu fais la réservation. Attends, bah, attends. Hôtel Jaurès, bonsoir. Wesh, cousin, c'est possible de réserver une chambre? Oui. Il commence à me branler. Il me dit oui, il me parle même plus lui. Bah, il me dit oui, bah, et après il doit me poser une question. Bah, c'est attends, pour quel jour? Attends, fais une blague, ouais, je suis cousin quoi. Là, je lui avais pas donné les mots non plus. Donc, bah, non, mais c'était déjà parti pour faire la réservation, je savais qu'il avait pas tenir 10 secondes. Mais non, je t'ai dit, je peux pas le faire. Non, mais si, il est con. Non, je bon, peux pas. Bon, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h, c'était Je laisse avec mots. On sait quoi, tiens, on sait Cachemire, là, j'adore ce son. Ah ouais, pareil. Excellent. On démarre comme ça avec un petit violoncelle. C'est pas un violoncelle en fait. Cachemire à l'instant. On est en direct évidemment jusqu'à 23h. Bonne soirée. Bon courage à tous ceux qui partent travailler. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. On est là jusqu'à 23h du lundi au jeudi. Alex Libre Antenne. Merci de nous avoir choisi. C'est une guitare sèche. C'est quoi? Une guitare sèche. C'est un banjo. Kiki. qu'est-ce qu'on se marre ensemble jusqu'à 23h, bouge pas la bienvenue. Du lundi au jeudi, 21h, 23h, Alex Ibrantel sur Radio Mix Floor. Ouais, merci de bosser la soirée, putain, on bosse une bonne soirée, les cons, qu'est-ce qu'ils ont con. Everybody. Bon, allez, on est ensemble jusqu'à 23h là, en tout cas, merci, la bonne soirée. Putain, qu'ils sont cons, vas-y, oh putain, c'est génial. On est ensemble évidemment jusqu'à 23h, en tout cas. Attends, je reçois un message d'un auditeur qui s'appelle Nicolas. Évidemment, on connaissait tous notre auditeur final. Il dit le son est bien meilleur quand vous parlez. Le bon Dieu vous a donné des dons. D'accord, merci de passer la soirée. Voilà, message en tout cas. Voilà, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. Top ou flop, c'est parti. Ouais. Ce soir, évidemment. Attends, faut que je retrouve ma fiche. Voilà, ouais, top ou flop. Voilà, top ou flop. Attention à ce que c'est top, parce que c'est flop. Les 7 péchés capitaux qui font leur grand retour avec Julien Courbet le 27 octobre sur C8. Wow, à votre avis, ah ouais, c'est vieux ça. Mais je me rappelle plus, les 7 péchés capitaux, c'était, ça n'a rien à voir avec Sans aucun doute. C'est pas là où il règle des problèmes. Non, hein. C'était les quoi, 7 péchés capitaux, je sais même plus du tout en fait. Je crois donc, que c'était. Mais non. Je sais même plus. Je sais plus ce que c'était, cette péché capitaux. En plus, bon, ouais, je me souviens que je regardais ça. C'était sur TF1, ouais. Je me ouais, c'était sur là. Et je me souviens plus. Bah, il fait son grand retour sur C8, en tout cas. Est-ce que ça va marcher top ou flop, Quentin? Bah, écoute, déjà, ça va être sur C8. Ouais. Ah ouais, non, bah, ça va être flop, ça. Parce que bah, si tous les chroniqueurs se mettent à faire des émissions chacun de leur côté, alors qu'ils sont déjà dans. Ouais, bah, il y a Koei qui va, Koei, que moi de janvier, va lancer l'émission. Il y a Guillaume Play qui va lancer son émission. Il y a Benjamin Castaldi aussi sur C8. On verra les chroniqueurs dans un autre environnement. On les verra pas en tant que chroniqueurs. En fait, je pense que le bon plan de C8, c'est qu'ils ont ils payent déjà tous les salaires de touche pour mon poste. Et à mon avis, ils veulent les laisser dans la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ça, ils coûtent moins cher que reprendre un nouvel animateur. C'est pour ça, à part le journal de C8, enfin le reste des trucs, c'était PMP. Et puis voilà. C'est ça. Ouais, mais après, ça peut être pas mal de voir des chroniqueurs dans leur propre émission et tout ça. Alors, tu vas les voir dans une émission avec tes PMP. Puis après, bah, l'émission d'après, ce sera un tout seul. Puis l'autre après, l'autre tout seul. Ça sert à rien. Bah, si, autant qu'ils gardent leur vrai groupe et puis voilà. C'est ça, ouais. Donc à votre avis, top ou flop? Pour moi, ça va être flop. Hein? Flop. Ok. Ton avis, Ben? Bah, je dirais top, faut voir ce que ça donne en fait. Ok, bon, bah, en tout cas, on suivra ça évidemment sur C8. Top ou flop, les 7 péchés à capitaux qui revient avec leur grand retour de Julien Courbet. Ouais. Deuxième, et la folle histoire de Max et Léon. Si vous avez connu le Palma Show. Est-ce que vous avez connu Palma Show? C'était hier, ouais, en plus. En plus, ils l'ont fait hier, ils ont fait une folle soirée, mais enfin, ça fait longtemps, en tout cas, je les connais. Moi, 3 ans, ils faisaient Very Bad Blague à l'époque, c'était pas mal. Ils sortent leur premier film, en tout cas, j'aime beaucoup David et Greg. Ils sortent leur premier film de demain, qui s'appelle La folle histoire de Max et de Léon. À votre avis, est-ce que ça va être top? Est-ce que ça va être fort? Vous voulez peut-être un petit extrait, petit morceau de film? En fait, c'est des deux mecs qui partent à la guerre et c'est des déserteurs, en fait, déserteurs, et en fait, ils ne branlent absolument rien. Comme moi. C'est ça, donc voilà. Attends, j'ai un petit extrait. Par contre, c'est un petit extrait vidéo, évidemment. C'est pas une bande annonce radio, je suis désolé. Du coup, attends, on va voir ce que ça donne pour faire un petit résumé de ce que ça donne de ce film. En tout cas, il a l'air pas mal. Qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée! C'est obligé d'être pour la France? Non, dans quelques jours, on sera tous en enfer, les gars. Ah putain, et bonne guerre! Au suivant! Oh là là, je ne vois rien, je suis dans le noir! J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh le morceau! On m'a dit oh le morceau parce que le mec il monte une femme à poil en fait. Et du coup c'est pour ça en fait il fait style qu'il est machin. J'ai peur que ma vue m'empêche de me battre. Tu fais un poil! Oh le morceau! Donc la vue c'est bon. Écoutez-moi bien les tirs au flanc. À moins d'avoir un handicap physique, vous partez. Moi j'ai qu'une couille! Voilà, donc est-ce que à votre avis ça va marcher? Ouais, est-ce que c'est top? Moi je dis top, ouais. Ouais, top. Donc top. Ouais. Mais tu comptes, il compte, Google. Parce que j'ai top. Toujours bien aimé le. Déjà dans moi, le Palma Show. Ouais, déjà dans le Palma Show, ils sont énormes. Ouais. Donc on verra bien, ouais, en tout cas. Ouais. Bon, plutôt top en tout cas pour le nouveau. De Top of Flame, nouveau smartphone de Google qui s'appelle Google Pixel qui va sortir prochainement en France. Qui a fait d'ailleurs ses premiers tests auprès des médias cet après-midi. Le nouveau smartphone de Google, je vais bien dire le nom, Google Pixel. Donc grâce à ce téléphone il résiste à l'eau, le portable tient 7 heures d'autonomie, il va tenir 7 heures le portable en chargeant seulement un quart d'heure. Ils vont faire ouais, comme, mais comme c'est, le Samsung, avec que t'es tout le temps. Non, t'es pas tout en dessus, je pense. Non, mais bon, c'est déjà un peu plus quand même. Un quart d'heure, tu peux tenir 7 heures. Ouais. Non, mais à mon avis, que tu peux le laisser au moins allumé, quoi. Bah non, c'est sûr. Un quart d'heure pour le charger entièrement. Ouais. Bon, c'est en Anthony, ça va. Hein. Mais je me dis qu'ils vont faire comme Samsung, là, le S7 Edge. Je vais voir le prix. Hein. Il sera dans l'eau. Ah, le prix, ouais, je l'ai, moi. À votre avis. Faut pas demander. Hein, au moins, le prix. Au moins 600, 700. Oh non, ça va être plus, hein. Non, c'est 600, c'est Apple. 700. Apple. Non, c'est Google. Google, ouais. Ah, déjà, est-ce que Google. Bon, pour moi, Google n'est pas fait pour sortir les smartphones. Déjà, c'est le géant mondial déjà de la recherche sur Internet. Moteur de recherche, ouais. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je sens pas en fait ce portable là. Déjà, le prix il est 578€. Ouais, seulement. L'as dit. Hein ? Seulement. Bah, seulement. C'est carrément cher. Ouais, par rapport à Apple. 100 balles, 200 balles, tu peux avoir un Apple, gros. Tu peux avoir un. Ah ouais, mais les vieux Apple aussi. Hein ? Les vieux Apple. Non, 700€, t'as quand même l'iPhone 6, gros. Bah ouais. Mais là, ils font un 500 pour une nouveauté. 7, le nouveau, hein ouais, ils font un 500 seulement pour une nouveauté. Alors qu'ils auraient pu faire plus que. Bon, même bon, comme qu'est-ce comme qu'il Apple. Apporte de plus aussi de ce portable là ? C'est Google aussi. C'est pas comme si que Apple ou Samsung sortent un nouveau portable aussi. Mais toi, il y a la marque et l'autorité derrière. Beaucoup de personnes vont le prendre, ouais, pour la marque Google. Bah, ça aurait été un beaucoup de personnes vont le prendre pour ça. Ouais, enfin, ouais, mais ils sont pas réputés. Bah, non, mais attends, tu dis que c'est un Wiko qui sort comme ça, personne va aller l'acheter. Ouais, enfin, Wiko il est pas au prix 578€ non plus. Ou les vieux portables du Huawei. Les Nokia 3310 avec le steak. Bah, moi je kiffais. En noir et blanc. C'est sûr que ce portable là, tu pouvais tenir 3 jours sans recharger. Tu pouvais faire un foot avec et tout. C'était ouf. Tu pouvais faire un foot avec. Mais il se cassait jamais le téléphone. Il se cassait jamais le téléphone. Alors c'est sûr qu'il se cassait jamais là. Bah c'était des bons téléphones. Hein. C'était des bons téléphones. Ah bah en parlant ça, la journée de merde aujourd'hui, je me suis réveillé les gars, je me suis réveillé avec mon portable. Alors il m'appelle, j'ai pas fait j'étais au plus du haut, c'est journée de merde aujourd'hui pour moi, je me réveille avec mon portable, je suis en train de déjeuner. Et là d'un coup je reçois un message, au moment où je reçois un message, et bah ça me fait écran blanc. Et là mon portable il pouvait plus s'allumer, et du coup j'étais voir le réparateur et j'ai dû payer 140€ pour changer la vitre. Ouais, j'étais au plus du haut, ça m'a déballé. Bon, le gars il était sympa, il m'a dit vous êtes sympa, en plus vous faites de la radio, je vous offre un verre trempé. Okay, c'est permis de fouiller mes photos, je déteste ça. Mais je suis là, franchement, c'est chaud, hein, parce que franchement, je l'ai laissé au mec pendant une heure. Pendant une heure, j'étais pas bien en fait. Hein. Le fait que le mec il avait mon portable, je sais pas en fait. C'était pour finir, il a fouillé dedans. Hein ? Il a fouillé dedans. Non, il a pas fouillé. Il a su que je faisais de la radio, parce que c'est ma photo, tu vois. Ouais. Mais non, enfin, bon après, tu sais, je connais des mecs là qui des robots et tout, là, ils t'inquiètent pas qu'ils fouillent dans les portables. Ouais, ils fouillent pas, s'il y a pas des photos de meufs à poil ou quoi. Ouais, enfin, c'est pas avec moi qu'ils vont en trouver. Mais tout ce que je vois, c'est des meufs de Ben à poil. Mais bon, des photos de meufs de Ben à poil, ils ont dû voir Ben, il a dû avoir des dégueulasses. Mais bon, ils vont faire un verre trempé, bon, en même temps, t'es avec 140 balles. Bah, c'est toujours bien. Ah, bon, ok, merci. En tout cas, quand même la coller, super, il s'est foutu de ma gueule. Là, tiens, un truc est travers, je crois qu'il avait déjà deux whisky dans le pognon. C'était mal collé, enfin bref. Mais donc à votre avis, top ou flop de ce nouveau portable Google ? Moi je dis top, juste parce que c'est la marque Google. Ça risque de marcher. Ouais, ça pourrait marcher, ouais. Ok, et donc top ou flop Ben ? Moi je dis flop, parce que justement c'est la marque Google. Google, bah après, c'est pas fait pour faire des téléphones, c'est fait pour faire concurrence à Apple. Enfin, je me sens qu'ils vont faire concurrence à Apple. Ou à Samsung, non, parce que non, c'est. Tu peux le mettre dans l'eau. Ils vont faire concurrence à Wiko, c'est tout. Ouais, Wiko. Mais ça combien les portables Wiko ? C'est cher ou pas ? Non, c'est pas cher. C'est de la merde, Wiko. Hein ? C'est de la merde, Wiko. Ah, mais ça ressemble à. Peut-être les Sony Ericsson aussi, là. C'est quoi, Sony Ericsson, ça existe encore, ça ? Je sais. Attends, Wiko, tu prends une photo, t'as un effet rose. Merci. Non, mais. Attends, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais. Non, mais Wiko, ça coûte combien en fait les portables Wiko ? Moi, ça doit pas coûter cher. Ouais, c'est 179 jusqu'au. Ah, quand même ! Maximum 200€, je crois. Ouais, maximum, ça doit être 200€. Mais c'est système Android sur Wiko ? Ouais. Ah, ouais, c'est Android. Ouais. Mais c'est quoi les portables où t'as pas Android là ? Tu sais, t'as Android, Apple Store et t'as un portable où t'as pas là. Tu sais, c'est. Je crois que les Blackberry l'avaient là. Tu sais, c'est quoi ? T'as pas Android, mais tu sais, t'as un autre truc de téléchargement, il y a quasi rien dessus en plus. Je sais pas du tout. Bah, je crois, je sais plus c'est quoi. Ouais, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Windows. Ouais, c'est ça, Windows. Ah, Windows. Ah, bah, putain, c'est la galère. En fait, t'as pas Android, t'as pas machin, et apparemment, t'as pas 40 UA, ces applications. Ah, ouais, les portables Windows, là, comme ils font en Windows 8, là, c'est la vraie merde. Ouais. Je sais pas, vous aimez bien ces portables Windows ? Non, grosse top, ça Windows, marche en plus. Windows, c'est fait pour être sur un ordinateur, pas sur un téléphone. Ah, un peu comme Google. Exactement. Comme un Google. Là. Comme Google, c'est fait pour être le moteur de recherche, pas un téléphone. Moi, je sais pas pourquoi, mais d'ici 6 mois, vous nous sortirez que Facebook va sortir son portable. Je sais pas pourquoi. Ah, mais rigolez pas, c'est peut-être vrai, ils sortent bien des lunettes Snapchat. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, ils vont nous sortir des lunettes Facebook. Si t'as raison, on fait grosse soirée. Hein ? Si t'as raison, on fait grosse soirée. Ouais, c'est rien, on tient ça, lui. Bah, tu ramènes le Ricard, je ramène l'eau. Bon, merci de passer la soirée avec nous. En tout cas, on est là jusqu'à 23h. Allez, bougez pas, tout de suite, les amis. Radio Mixplore. Un max de son dance floor.

On est ensemble jusqu'à 23h. Merci de passer la soirée avec nous. 22h54, c'est ici que ça se passe. Comme chaque jour, évidemment, demain, bon, on fera le retour du pervers. Comme chaque jeudi aussi, également le défi. Demain, grosse émission en perspective, en tout cas. Ça donc reste avec nous. Le défi, c'est qui demain? C'est toute l'équipe. C'est tout le monde. Ouais. Ouais, c'est toute l'équipe. Ouais. Demain, je suis malade. Hein? Non, bah non, parce que nous, on va pas être malade, on va le faire. Demain, c'était que toi, la semaine dernière. Eh bah, excuse-moi, mais. Là, ça fait 3 jours d'affilée que je fais la radio. Demain, je prends repos. Ah bah non. Bah non. C'est pas là. On a décidé que non. T'es là demain, ouais. Le planning est fait, t'es marqué sur le nom, tu es tout seul là. T'es dans le planning, je vois pas pourquoi. Monsieur, vous avez. À la base, hier, j'étais pas dans le planning, aujourd'hui non plus. Ah là là. Ouais, mais tu dépannes, c'est bien. Ouais, tu dépannes. Rien n'est pas là, donc écoute, enfin voilà. Vous avez vu cette vidéo de Rémi Gaillard qui offre 500 euros au passant? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu cette vidéo? Non, non. Ah, t'as pas vu là? Bah, il peut se le permettre avec l'argent. Non, en fait, il a. Non, on va pas être méchant. Vidéo, en fait, la vidéo. La vidéo, en fait, du début de la vidéo, il dit qu'en fait, il a une marque d'application. En fait, c'est Gfit, c'est qu'ils ont lancé leur propre appli là. Et du coup, il dit que en fait, cette application là, elle a filé des thunes. Et en fait, au lieu de garder les thunes pour lui, ouais, il va les offrir aux passants. Et en fait, tu vois, au même moment, en fait, il arrive dans la rue, puis il donne un SDF par exemple, il donne 500 euros. Ah, c'est bien. Mais genre, les mecs, ils hallucinent, toi, normal, toi. Bah, qui va me le donner, hein? Qui va me le donner? Et genre, il donne comme ça aux gens, et après à la fin, il termine à la SPA en fait de Montpellier. Et en fait, il donne un gros chèque. Et c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Et il donne un gros chèque. Donc la femme, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle donnait 10 000 euros, je crois. Et Oh putain, ouais, c'est pas rien, 10 000 euros. Ouais, et puis il donne aux gens en fait comme ça, il dit bonjour. Puis il fait tenez. Puis en fait, il donne 500 euros. Puis il fait bonne journée, au revoir. Puis les gens, ils hallucinent, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Et allez voir la vidéo, en tout cas, c'est la dernière vidéo de Rémi Gaillard. Et le retour évidemment des clowns. Oh putain. Ah, qui font parler d'eux en ce moment sur tous les réseaux sociaux. Oui, oui, j'ai vu. Donc en tout cas, c'était la folle époque. L'année dernière, on parlait des clowns. Tout le monde avait peur de sortir chez moi, eux. Moi, j'aimerais bien en croiser. Hein. Mais il y a personne, gros. C'est du fake. Tout ça, c'est un... Ouais, je sais que c'est du fake. Hein? Je le sais que c'est du fake. Mais j'aimerais bien en croiser un quand même. Mais ouais, mais il y a personne. C'est des conneries, ça, des clowns comme ça. Bah, je sais pas, j'ai parce vu. Imagine, t'en croises un. Il veut te faire peur, mais tu cours pas. Non mais genre, en fait les clowns là, si j'ai bien compris ce qu'il y a, en fait c'est des mecs qui veulent tuer des gens en fait, non? Mais ils ont jamais tué ouais, quelqu'un. Ils ont jamais tué quelqu'un. Non mais l'année dernière quand il y avait, c'était des conneries, c'est l'année dernière parce que je voyais moi l'année dernière quand j'étais sur Facebook etc, ils n'avaient vraiment dans la rue parce qu'ils prenaient en photo, ouais, j'ai vu un clown et tout ce soir, on sortait pas de chez vous et je voyais la photo, il était dans les rues de Calais, enfin en tout cas on voyait les photos et on voyait ouais, vraiment des gens. Au théâtre il y en avait. Bah ouais, c'est qui ces gens-là en fait? C'est un fou de leur vie de se déguiser en clown, non mais c'est vrai, c'est Ben. Non, c'est bon, moi, du coup, je pense qu'avec l'équipe de la Montaigne, on va se déguiser en clown et on va aller débarquer tous les soirs. Ouais, et puis on va se faire péter la gueule surtout. C'est clair. On va aller à la jupe, on va le faire exprès. Bah, à votre avis. Ouais, bah non, fais pas ça à la jupe, gros. Hein? Fais pas ça à la jupe. Bah, à votre avis, tu crois ou pas retour bah, moi ouais, j'ai regardé sur leur site, enfin sur leur page Facebook. Non, la page Facebook, c'est de la merde. Ah, mais ouais, c'est de la merde. Like, on vient dans ta ville. Truc super commercial. Partage et on débarque. Parce qu'il y a des gens dans leur voiture qui ont pris deux clowns en train de marcher sur un trottoir et ouais, qui l'ont mis sur leur page et remis du carnaval. Non, mais... je sais pas, mais je sais pas. Ah ouais, bah c'était peut-être ouais, une soirée déguisée sur... hein. Une soirée déguisée. C'était peut-être une soirée déguisée. Il y a plein de gens qui se déguisent en France en clown tout le ah week-end ouais, hein, ouais écoute, j'en sais rien. On verra bien là, ils ont prévu de venir sur Calais dans pas longtemps là, mi-octobre je crois. Non, ils vont débarquer dans toute la France en fait, c'est ça le truc. Ouais, mais, non, bon ouais, écoute, après tu viens avec une dizaine de personnes derrière toi, c'est bon. Ouais. Après, si t'es tout seul aussi, ça fait flipper. Ouais, franchement, ça fait flipper quand même. Tout seul, j'avoue que moi aussi. Tu rentres à minuit, tu vas à un mec, franchement, dans le noir et tout, à mettre des gens en clou, complètement timbré. En fait, il y a tellement de timbrés avec valeur actuelle, c'est que c'est chaud quand même. Tu vois, je flippe un peu, tu vois. Moi, j'en verrai rien, je serai tout seul, je flipperai ça. Ouais. Ouais, par contre, tu seras deux avec ton chien, voilà, je me sentirai plus. Non, je serai avec mon chien, non, j'aurai pas peur. Ah, voilà, moi, bon, t'auras peur. Bon, en tout cas, avant ça, avant de se quitter, le tube Dancer du moment, vous le savez évidemment, c'est Apple. La musique évidemment Apple Pen hein, qu'on arrête pas le balancer tous les soirs, c'est le carton qui marche partout sauf en France, donc voilà, c'est ici ça se passe. Partout sauf en France. I have a pen, I have a apple, apple pen, I have a pen. Ah, tu connaissais pas Quentin? Pas du tout. Hein? Non, pas du tout. Ah, c'est vrai que t'as fait un moment qu'il n'y a pas là parce qu'on a parlé plus lundi en fait. En fait, c'est un truc 50 millions de vues. Hein. Ah ouais, quand même. Et tu sais qu'il y a la version française? Ah, je vois bien la version française, c'est quelle alors? Le stylo Apple. C'est que tu marques Apple Pen version française. Tu ah, ok, merci. Apple Pen. Ouais. Ça fait penser à une musique là, tu sais, les musiques. Ça fait penser, tu sais, quand tu mets les pièces à la foire pour, tu sais, pour attraper des peluches, là, les vieilles musiques de merde qui te mettent là. Attends, mais il n'y a pas. Si, normalement, c'est. Apple Pen version française, le duo, il y a 3000. Oh, 3000 vues, c'est pas. Ça! J'ai une pomme. APS. C'est mieux à chier. En plus, il n'y a pas de parole. Si, bah si. J'ai un stylo et j'ai une pomme. Stylo pomme. Ah mais vous rigolez, mais c'est ça les paroles. Hein. Ananas. Oh, stylo ananas. Mais si, c'est ça, oh, en fait. J'ai un stylo, j'ai une pomme et ça fait. Ça fait 50 millions de timbriques qui ont regardé ça. Oui, donc c'est un vrai. Non mais c'est vrai. Ça vous fait pas penser à une musique là, vous savez à la foire quand vous mettez les jetons là, sous là pour gagner des pluches. Tu sais quand vous mettez, que vous démarrez, puis là du coup vous démarrez, vous mettez la pièce, ça fait la musique là. Et là vous avancez. Les gars ils disaient pas mais. I have a pen, I have a apple. C'est une sale gueule de mec, vous imaginez même pas. Apple pen. Il y a une sale gueule le gars, 50 millions de trucs de ouf, quand même. Hein. Comme quoi, en fait. Et on va terminer évidemment ce tube, cette soirée évidemment, par la danse officielle de la radio. De la radio depuis cette rentrée évidemment, car vous le savez, on radio a. Radio Mix Saucisson, un max de son saucisson. Voilà, c'est fou de connaître, il s'enfuit là, il parle en fin d'émission lui. Mais on a évidemment, on aime bien les saucissons, donc on s'est dit, allez, on va faire la danse du saucisson depuis quelques soirs, même quelques jours. Faudra penser à écrire les paroles quand même. Bah oui, t'inquiète pas, j'y travaille. Voilà. Avec mon ensemble du temps chargé, j'essaie d'écrire les paroles en tout cas. Allez! Eh, c'est la danse du saucisson, mon pote, t'as bien entendu ou quoi? On y va! Attention, t'es chez toi, là, t'es prêt, là, t'es parti au bureau là, bah attention, t'es parti travailler, c'est la danse du saucisson, t'es toujours prêt de chez toi, près de l'apéro là! C'est la danse du saucisson, allez, allez, allez, le saucisson en l'air, allez, allez, allez, c'est la danse du saucisson, allez, allez, allez, le saucisson en l'air, allez, allez, allez, le saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez. C'est la force. Attends, le saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Attends, ça, tu sais un truc, attends. Parce qu'en fait, ça peut marcher avec plein de choses, en fait, attends. Attends. Faut pas demander. C'est la danse du cornichon. Allez, allez, allez, la danse du cornichon. Non, le cornichon en l'air. C'est quoi? Le cornichon en l'air. Ah, le cornichon en l'air, pardon, j'étais parti. Attends. Ça peut marcher avec autre chose. Attends. T'as des cornichons chez toi, mon pote? Tu veux les mettre dans ton sandwich? Attends, ça, c'est la bien tartiflette. C'est la dent du reblochon. Allez, allez, allez, le reblochon en l'air. Allez. Ça peut marcher avec plein de choses, hein, évidemment. ça va, c'est vrai que ça peut, je sais pas, les trucs qui finissent en on là. Il y a plein de trucs qui finissent par on. Wow. Des gros cons. Ah voilà, non, mais ça danse des gros cons. Ça va pas aller. En plus, on chante nous-mêmes alors. La danse du reblochon. Jamais danse du saucisson, évidemment. Prochainement, le tube, vous allez pouvoir écouter chez vous. En tout cas, avec le clip officiel. Ouais, ça rigole. Je vais le dire, je suis téléchargeable sur iTunes. Ah téléchargeable sur iTunes. Bah, rigole pas, on va le mettre sur iTunes. Elle sonne Napster et tout le bordel, toi. Attends, on va le mettre là, sur les plateformes de téléchargement digital. Donc en tout cas, merci de nous avoir suivis ce soir. Une grande soirée. Encore une fois, on vous souhaite une très très bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Bon courage à tous ceux qui partent travailler. Ouais. On se rejoint dès demain pour la Libre Antenne. Juste avant ça, il y a le Before Dance Floor avec Kev à partir de 20h. Demain, on a plein de bonnes choses. On aura des défis. On aura le retour du pervers. On aura le retour du Avez-vous Chantal avec Jojo. On aura plein de choses en tout cas. Donc rendez-vous dès demain à partir de 21h jusqu'à 23h. Libre Antenne, je vous une très bonne soirée et puis je vous dis ah ouais en fait on en parlera évidemment dès demain, on aura la date officielle, mais si vous êtes des alentours en tout cas de Calais, on fera la semaine prochaine ou dans deux semaines exactement, on aura la date et l'affiche en tout cas à tournoi FIFA 17 au studio directement de la radio. Voilà, il y aura plein de cadeaux à gagner, on aura des bons d'achat, etc. Et celui qui bat le vice champion de France gagnera un gros cadeau. Oh, ton sûr vice champion de mes couilles. Ah, bon, restons en tout cas, passez une très très bonne soirée, je vous dis à demain 21h, ciao ciao et puis bonne nuit à vous. Bonne nuit, ciao. À demain, bisous. Ciao, rendez-vous à 21h et on se quitte sur Mike Perry. À l'instant, Mike Perry, tu sais, ça fait trop l'effet de l'amour. Mike? Oui, Perry. Allez, ciao, salut, ciao, ciao. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. Oh,

face. I know you like what you see.